aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Christian Pateau. Alors, Christian Pateau qui va nous parler du maquis. Alors, vous allez nous dire, le maquis, quel rapport avec l'anarchisme? Bah, a priori, pas. Sauf que Christian est un militant anarchiste. Bah, il a été au maquis. Bah, il va nous le raconter en détail, mais il avait 17 ans. Donc, c'était là que ça bougeait à l'époque. C'était même une question de survie. Donc, il a participé au maquis. Et puis après, il est parti sur Paris, puis il a rencontré les gens de la révolution prolétarienne, donc il a vite été en contact avec les libertaires et les anarchistes, qui a permis de réfléchir sur cette période qu'il avait vécue. Et donc, pareil, Christian l'a rencontré parce qu'il est l'un des animateurs de la BAM. BAM, vous avez des petits dépliants, si vous passez, alors c'est en banlieue parisienne, au sud de Paris, bibliothèque associative de Malakoff, c'est une bibliothèque, on va dire libertaire, si vous ne pouvez pas dire anarchiste. Mais en tout cas, il y a une très belle bibliothèque et il y a un tas d'activités tous les mois. Bah, c'est un peu comme ici. C'est pas un centre d'archives, c'est vraiment bibliothèque et des rencontres. Et puis, quoi d'autre? Bah, Christian, il a quand même 93 ans, donc il a vécu plein de choses. Donc il va nous raconter, outre le maquis, il aura peut-être d'autres choses à nous raconter. Et puis surtout, il s'intéresse beaucoup au centre tel que le nôtre. Bah, j'en dis pas plus, mais il est en contact avec pas mal de centres. Pas de France et de Navarre, parce qu'en Navarre, il n'y en a pas, mais en tout cas du territoire hexagonal, et qu'il soutient, Donc, Christian, à toi la parole, tu vas nous parler donc de ton expérience dans le Limousin à l'âge de 17 ans. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Je vais un peu répéter ce qui vient d'être dit. Je suis né il y a très longtemps, hein, finalement. Je vais vous dire, j'ai 93 ans, je suis né. Alors, je suis né dans le Haut-Limousin, un petit village qui s'appelle Saint-Léonard-de-Lauda. C'est ce qu'on appelle la région du plateau de Villevache, vous en avez peut-être entendu parler. C'est au centre de la France. À 17 ans, j'ai rejoint un groupe de maquiseurs, des francs-tireurs et partisans, avec lequel mon père était déjà en relation depuis quelques temps. À l'époque, vous savez, j'avais 17 ans, j'ai vécu ça avec l'enthousiasme d'un jeune à peine sorti d'enfance, comme une aventure pleine d'imprévus. Pour moi, à 17 ans, on n'est pas fini. Quoi. C'est des années après, là, si vous devez le dire, que j'ai analysé le contexte historique et politique de ce qu'on a appelé la résistance. Le hasard et la chance ont fait que quand je suis monté à Paris, tout de suite après la guerre, j'ai rencontré les animateurs de la revue de la Révolution prolétarienne, notamment Pierre Monat, Alfred Rosmer et quelques autres. Ils m'ont évidemment aidé à comprendre les événements que j'avais vécus, et en même temps, ils m'ont initié aux idées libertaires qui n'ont pas quitté jusqu'à ce jour. À gauche que j'ai, je ne pense pas qu'ils vont me quitter. Parce que selon moi, ils vont y rester. Voilà. J'ai aussi eu, à côté de la révolution prolétarienne, eu l'occasion de rencontrer des gens assez exceptionnels, comme Louis Lecoing, par exemple. Et puis d'autres, je ne vais pas mettre à réciter tous ceux que j'ai rencontrés, la première fois, je ne me rappelle plus. Toujours est-il que ces gens-là m'ont aidé à comprendre les événements que j'avais vécus. Et en même temps, ils m'ont initié, comme je vais vous dire, aux idées libertaires. Parce que, encore une fois, je répète, j'entends des gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais moi je suis anarchiste. Ça me laisse un peu dubitatif parce que, encore une fois, 15, 16 ans, on n'est pas fini, on est en train de se faire. Et certains, ils finissent à l'extrême droite, ou je ne sais pas où, dans les hautes sphères de l'État. Alors, c'est pas la peine de se proclamer anarchiste pour finir comme ça. Bon. Et attention, j'ai fréquenté ces gens-là pendant 7 ans. Quelques-uns plus, mais au moins pendant 7 ans. Parce que Monat a pris sa retraite en 1952, et je le connaissais toujours, je l'ai connu après. Il a habité où j'habite maintenant, j'habite à Malakoff, et lui il était un petit vit à côté qui s'appelle Vent, et il a fini ses jours là. Donc j'ai eu, je crois, beaucoup de chance. Donc, voilà la présentation du vieux bonhomme qui est devant vous, et ça suffit. C'est pas l'objet de la causerie. La causerie de ce soir, c'est le maquis limousin, 41 1944 et la libération de Limoges. Alors là, vous avez une feuille repère qui vous a été remise, qui va vous permettre de suivre un peu mon petit laïus pour vous y retrouver dans toutes les dates, parce que j'aime encore l'éliminer beaucoup, parce qu'il se passait des événements presque chaque jour. J'ai joué aussi quelques photos de quelques exploits, la table du cul, comme l'avion en l'air, enfin on a fait quelques trucs assez spéciaux. Et ici, il y a une carte où figure l'emplacement des principaux maquis dans la région de la Haute-Vienne, la région dont je vous parle. Mais tout à l'heure, quand on aura fini, au besoin, je vous montrerai un petit peu comment ça s'est passé, à peu près, quoi, parce que c'est pas facile. Vous voyez, il y a un triangle là, au fond, mais il y a aussi des camps vers le haut que j'ai moins connus. Je n'ai pas connu partout, mais évidemment, c'est pas possible. Surtout, à partir de 1944, il y en avait beaucoup. Il y a eu les résistants de la dernière heure, c'est bien connu. La ruée, ça a été au mois d'août 1944. Les gens qui avaient plus ou moins adoré le maréchal Pétain, c'était vraiment mis le brassard avec la croix de Lorraine, et c'était les plus grands résistants qu'on avait jamais vus. En réalité, c'était des opportunistes. Bref. Alors, vous avez sans doute entendu parler du maquis du Limousin et de la libération de Limoges, qui est le sujet de notre causerie de ce soir. La ville de Limoges était une ville de 100 000 habitants. Et cette ville a été libérée sans effusion de sang. À mon avis, c'est unique. Dans toute la libération de tout ce qui s'est passé en France, c'est la seule ville aussi grande, plus de 100 000, qui a été libérée sans une goutte de sang. Alors, comment ça a été possible, ça? Parce que on peut toujours l'affirmer, mais comment ça se fait? Eh bien, ce fut l'aboutissement de 4 années de lutte acharnée, commencée en 1941 par quelques rebelles, et en particulier par le plus opiniâtre d'entre eux, l'instituteur Georges Guelemont. Vous voyez, c'est cet individu-là qui est instituteur dans un tout petit village qui se trouve là, je vous le montrerai tout à l'heure, et il a donc décidé de rentrer en résistance à ce moment-là. Alors, de 1941, si vous voulez, je vais essayer d'évoquer dans les grandes lignes les événements, les difficultés vécues quotidiennement par ces en dehors de la société qui a été les maquisards. Parce que quelqu'un qui rentre en résistance dans le maquis, il devient un en dehors de la société. Il est personne ne l'aide, il est seul, ou presque seul. Au début, il était tout seul, après, il était deux ou trois, et ils sont rejeté par tout le monde. Il n'existe plus, si vous voulez. Et ils sont pourchassés, on va en parler tout à l'heure, et ce n'était pas vraiment la vie. Et là, au Limousin, c'est pas la Californie, il y a l'hiver, il fait très très froid. Très froid. Il fait moins de 15 pendant deux mois. À l'époque, il y avait 30 cm de neige pendant deux mois. Bon. C'est pas facile d'aller dans des conditions pareilles. Alors, de 1941 à 1942, les rebelles comme Guelemont étaient une infime minorité, les Français étant très majoritairement favorables à Pétain et Laval. Ces résistants n'ont pas la vie facile, le pacte Hitler-Staline de 1939 ajoutant aux difficultés supplémentaires. Bon, là, je ne vais pas ouvrir une grande parenthèse, mais probablement la majorité d'entre vous connaissent la situation. Il s'est produit une chose, c'est que deux dictateurs, un d'extrême droite et un d'extrême gauche, on pourrait baptiser ça comme ça, c'est-à-dire les nazis d'un côté, les bolcheviks de l'autre en Russie, décident de pactiser ensemble. C'est-à-dire les deux individus qui dirigent ce truc-là, Staline d'un côté, Hitler de l'autre, décident de s'allier entre eux. Ça a été une histoire absolument imprévisible qui a heurté pratiquement tout le prolétariat du monde entier, parce que personne ne s'attendait à cette chose-là. Alors évidemment, le Parti communiste à l'époque qui existait, qui était moins important qu'il a été après, mais enfin, il existait quand même, et bien, il ne savait plus à quel sens sauter. Il faut quand même être juste que le militant de base, on lui avait dit que l'ennemi numéro un c'était le fascisme, puis demain on lui dit, mais non, l'ennemi le fascisme, mais non, c'est notre ami. Comment on fait? Alors donc, ils n'étaient pas dans la résistance, forcément, ils n'ont pas fait. Au contraire, à ce moment-là, ils faisaient une campagne effrénée contre l'Amérique, contre l'Angleterre et contre De Gaulle. C'est pour ça qu'il faut avoir bien ça en tête. C'était pas drôle pour ceux qui voulaient résister. Alors, il est bon de rappeler que Pétain, dès sa prise du pouvoir, profitant de ce que l'opinion publique lui était favorable, a créé le 27 octobre 1940 la carte d'identité obligatoire à partir de 16 ans. C'est-à-dire vous tous qui avez tous une carte d'identité, qui considérez que c'est normal de l'avoir tous et qu'on vous la demande. Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse sans carte d'identité. Ça n'existait pas. Les Français n'avaient pas de carte d'identité. Donc on était relativement libre. Parce que dès l'instant où vous avez une carte, c'est déjà une petite partie de votre liberté qui disparaît. Vous êtes fiché, vous êtes suivi, vous êtes... Bon, alors, à ce moment-là, il y avait eu une exception pour le département de la Seine. Le département de la Seine a eu, et certaines ont eu des cartes d'identité dès les années 1921-22. Et aussi quelques catégories, comme les gens du voyage, qui étaient obligés de se faire inscrire dans les mairies. Eux, ils avaient une sorte de carte de circulation, un genre de carte d'identité. Mais les Français n'en avaient pas. À partir de là, la police, les gendarmes, les miliciens, les Allemands pouvaient à tout moment et en tout lieu demander cette carte avec photo et empreinte digitale. Ils ne s'en sont pas privés. Difficulté supplémentaire pour les clandestins, comme Benoît et ses amis, les tickets de rationnement, pas de ticket de rationnement, pas de carte d'identité, pas de ticket de pain, pas de ticket de viande, pas de ticket de lait, de vêtements, etc., etc. On avait des tickets pour tout, y compris pour les chambres à l'air de vélo. Hein? Ça, j'en ai même à la maison, comme les cartes d'identité de l'époque que j'avais gardées. Et si vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez pas manger. Or, eux, ils n'en avaient pas, puisqu'ils étaient hors du circuit. Alors, il a fallu faire des fausses cartes d'identité. Alors, encore un mot à ce sujet. Le système se perfectionne. Le 6 juin 1942, les Juifs de la zone occupée depuis plus de 6 ans, les petits gamins, doivent porter l'étoile jaune en permanence pour leurs vêtements. Même plus besoin de la carte d'identité pour les repérer. Dès qu'ils ont l'étoile jaune, on sait que c'est un enfant juif. Donc, pour faire une rafle, c'est facile. Le 8 novembre 1942, la zone libre est occupée. Je vais vous expliquer pourquoi. La mention juive est imposée sur leur carte d'identité par le gouvernement de Vichy. C'est-à-dire que ce qu'on appelait la zone occupée et la zone libre, c'est, on en parlera tout à l'heure, c'est au point, la ligne de zone a été fixée au point où étaient arrivées les armées allemandes au moment de débâcle. Environ, imagine, à la hauteur de Bourges, vous voyez à peu près, au milieu de la France, une ligne droite, à peu près de ce niveau-là, Montluçon, Bourges, jusqu'à la frontière de l'Est, et juste à la mer, avec une bande tout le long de la côte qui descendait jusqu'aux frontières de l'Espagne. Eh bien, dans le sud, les Juifs n'ont pas eu l'étoile jaune. C'est curieux. Mais ils ont eu sur leur carte d'identité un gros tampon, c'était marqué Juif. Alors, il y avait des Juifs qui étaient réfugiés de la région parisienne qui arrivaient avec leur étoile jaune. Et ils l'enlevaient. Pour eux, c'est presque un symbole. Tout à fait entre guillemets d'une petite liberté de tout être repéré dans la rue. Ça nous paraît pas important, mais pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu beaucoup de réfugiés juifs dans la région du Limousin, beaucoup. Alors, si vous voulez, avec toutes ces mesures, tout est prêt pour la grande chasse aux juifs et aux éléments repérés par les renseignements généraux, comme potentiellement hostile et dangereux pour Vichy et l'occupant. C'est ce que je viens de vous dire, avec la carte d'identité. Et en plus pour les Juifs, le signe particulier, elle va encore organiser la chasse. C'est facile. Les dénonciations sont encouragées. On donnait de l'argent à ceux qui dénonçaient les autres. Ce qui se traduit par des milliers de lettres anonymes. de bon français, entre guillemets. Et vous savez, l'envers de la médaille à la libération, ça a été pareil. Vous savez, la mentalité des gens, elle est atroce. Il y a des gens qui ont été dénoncés parce qu'ils avaient un appartement que quelqu'un avait envie d'avoir. On le dénonçait comme résistant ou comme juif, si on avait la chance qu'il soit juif, alors on le dénonçait. Ils partaient habituellement, ils récupéraient l'appartement. Et plein d'autres choses. C'était absolument affreux. Après la guerre, notre République, qui a été reconstituée, c'était la quatrième, conserve la carte d'identité créée par Pétain. Elle ne la supprime pas. Tant pis pour la devise liberté, égalité, fraternité. On s'en fout. L'État étant répressif par son existence même, un État quel qu'il soit, il est par son existence même répressif. Parce que pour établir son autorité, il est forcé d'être répressif, plus ou moins. Mais il est répressif. Même actuellement, on a un État répressif. Pour faire attention, c'est le type qui la ramène un peu, il a des ennuis. Il n'allait pas se priver de ce moyen d'exercer son autorité, l'État, avec cette carte d'identité qu'il avait établie pourtant par un gouvernement collaborateur dirigé par Pétain. Donc c'est Big Brother qui était né, et vous savez, il a prospéré depuis. Bientôt on aura des puces aussi qui vont nous suivre partout, c'est merveilleux, quand l'avenir se présente, c'est très beau. Alors une petite parenthèse. Sachez que le Limousin fut de tout temps une terre de résistance. Les bois et les vallées se prêtent sans doute à la lutte résistive. Depuis les jacqueries du Moyen-Âge, les dragonnades de Napoléon Ier et les luttes ouvrières du siècle dernier, cette région s'est souvent soulevée. Voilà, je suis assez fier de ce. Étant un rebelle de naissance, je trouve que c'est pas mal. Alors, ceci étant dit, arrivons à ma résistance, entre guillemets. À ma résistance, entre guillemets. Ça commence en novembre 42. Vous voyez, je suis en 26, j'avais 16 ans et demi, 16 ans et demi. Eh bien, je suis d'ailleurs, j'avais 16 ans et demi. J'allais à l'école, mais deux ou trois soirs par semaine, j'assurais une permanence à la poste de mon petit pays. Vous savez, on a une permanence à la poste au téléphone. Je pouvais transmettre des messages écrits sur des bouts de papier qui étaient ensuite brouillés par mon père. Très peu de personnes à l'époque avaient le téléphone, donc ce n'était pas une grosse tâche. Vous savez, à l'époque, il y avait 4 ou 5 téléphones dans le pays. Le maire, le docteur, le notaire, et éventuellement le curé, c'est tout. Les autres. En plus du téléphone, je faisais des remplacements de facteurs les jeudis et les vacances scolaires, ce qui m'a permis de connaître les villages, hameaux et fermes isolés à 5 ou 6 km alentour. Tous les paysans me connaissaient, à quelques exceptions près, j'ai été accueilli chaleureusement. Déjà, les commentaires sur le maquis allaient bon train dans les campagnes. Il faut bien avoir à l'esprit que les résistants étaient de deux sortes. Il y avait deux sortes de résistants. Les uns, très peu nombreux, comme Benoît par exemple, vivaient clandestinement dans des plantes sûres qui changeaient souvent par précaution, dans les bois. Ça, c'était les vrais maquisards. Les autres, beaucoup plus nombreux, vivaient normalement, personne ne pouvant les soupçonner. On les appelait les légaux. Ils étaient des résistants légaux. C'est-à-dire que les autres étaient hors du système, ceux-là étaient dans le système. Et ils étaient très, très importants. Ces derniers étaient indispensables pour le renseignement, les informations de toutes sortes et les liaisons avec les clandestins. À mon très modeste niveau, je pouvais donc être catalogué parmi ces légaux. Mais à mon niveau, même. Alors, sans eux, la résistance était impossible. Gainwell l'avait bien compris, il s'efforça de créer tout un maillage de légaux, ce qui lui permit de faire par la suite ce que vous savez et dont nous allons parler tout à l'heure. Entre parenthèses, toute proportion gardée, bien sûr, Makhno en Ukraine n'aurait pas pu faire son épopée sans l'appui des paysans. La CNT en Andalousie, en Catalogne, non plus en 1936-37. Pour arriver à créer des mouvements de résistance puissants, il faut l'appui des populations. Et en particulier l'appui des campagnes. Parce que être dans le maquis à la campagne, vous pouvez au moins manger. Vous avez vous avez la solidarité du paysan qui vous permet de manger. À Paris, les carottes ne poussent pas aux Champs-Élysées. C'est très difficile. Alors, c'était voilà, très important d'avoir cette façon d'être soutenu par toute la population paysanne. Alors, le grand mérite de Guingamp, c'est d'avoir, avec lucidité, refusé d'obéir aux ordres de la direction stalinienne du Parti communiste, qui voulait que la résistance se concentre dans les villes. Il a continué son action pour s'attirer la complicité des paysans, gage de sa réussite future. Et c'est ce que je viens de dire. Les responsables du PC ne pouvaient pas accepter que l'un des leurs, parce que lui c'était un stalinien pur et dur, que l'un des leurs n'applique pas religieusement les ordres du parti, alors qu'il faisait des démarches auprès des Allemands. La direction du parti faisait des démarches auprès des Allemands pour la reparution du journal L'Humanité. Et en même temps, ils organisaient des pétitions pour que les maires communistes de la banlieue parisienne retrouvent leur place. Forcément, je vous l'ai dit, c'était le cas de Germanorus. Donc, les Allemands étaient amis de la Russie, donc Vichy était aussi ami, entre guillemets, des Allemands, et donc de la Russie. Donc, ils faisaient des démarches pour essayer que les maires communistes retrouvent leur place comme si de rien n'était. Voilà. Alors, ceci étant, il est impossible de créer des groupes importants de maquisards du fait de l'absence de structures d'accueil et du manque total d'arbres. Parce que je vous ai dit qu'ils étaient 5 ou 6 dans les bois. On est en 42-43. Ils sont très, très, très peu nombreux. D'autre part, les paysans n'étaient pas encore majoritairement acquis au maquis. Tout au moins, à ce moment-là, le maquis est en lui-même tout petit. Il n'avait pas beaucoup de rayonnement autour de lui. Donc ceci expliquant cela. Alors on arrive en 1943. C'est l'année charnière pour la résistance dans toute la France et pour le Limousin en particulier. Il me semble qu'on peut retenir trois raisons essentielles. Première raison, en 1942, le Parti communiste s'investit dans le processus de résistance, alors que jusque-là, en obéissant à Staline, à l'Angleterre, le Parti communiste clandestin faisait une grosse propagande contre l'Angleterre, De Gaulle et l'Amérique, je vous l'ai dit. Le Parti communiste change de nom et devient le Front National. Ça ne vous évoque rien, ça. Pendant toute la guerre, le Parti communiste, il s'est appelé Front National. Ah, ça y pense. Mais Neneu, il a pensé, il a pris le nom. Ce nom très patriote, presque pétiniste, a ensuite été repris par qui vous savez, parfois avec les mêmes slogans. En réalité, le PC ne crée les FTP, francs tireurs et partisans français, qu'en avril 1942. Et tout ce que je vous dis, vous pouvez vérifier, hein, c'est comme ça. En avril 1942, alors quand on vous dit on était les premiers résistants, Alors Hitler envahit la Russie le 22 juin 1941. Ceci expliquant cela, vous avez compris. Les troupes allemandes avancent dangereusement. Staline ordonne au PC d'Europe de rentrer dans la lutte. Et le PC fait un virage à 180 degrés, comme lui seul en a le secret. Il n'y a pas un parti politique en France, quel qu'il soit, qui a été capable de faire des virages en 3 jours. On brûle ce qu'on a adoré, on adore ce qu'on a brûlé, et vas-y, ça continue. Alors il se met à glorifier les alliés occidentaux, il a laissé juste là. Alors, revenons au travail de notre ami Guingamp. Le travail Guingamp des années 41-42 porte ses fruits. De nombreux groupes se forment et s'étoffent. En 1943, les camps de maquisards s'organisent dans les bois limousins, le manque d'armes est toujours aussi crucial, d'autant que les effectifs ont moins. Il n'y avait pas d'armes. Rien, quelques pétoires de fusils de chasse avec il n'y avait pas d'armes. Les Anglais considéraient alors que la résistance française devait intervenir qu'au moment du débarquement. Donc les armes parachutées ou parcimonie devaient être cachées en attendant. Le peu de parachutage, il ne fallait pas s'en servir. Il fallait les garder pour après. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, quand j'ai dit que 43 était l'année charmeux. En septembre 1942, la bataille d'El Alamein en Libye, l'Afrika Korps du général Rommel est vaincu. L'armée Rommel, puissante d'El Alamein, était vaincue par les Anglais en particulier et quelques Français. Hitler change sa stratégie. Le 8 novembre 1942, la zone libre est occupée. Vous savez, au début, quand je commence à parler, je vous expliquais deux zones. Jusque-là, jusqu'en novembre 1942, il y avait cette ligne de démarcation, avec toutes les péripéties de traverser cette ligne, qui ont fait fortune en faisant traverser des juifs, en fait. Et ça, c'est un autre problème. C'est le côté noir de la lui-même. Alors la zone libre est occupée. DSS arrive en zone sud, la chasse aux juifs réfugiés de la zone nord s'intensifie. Là, une petite parenthèse. C'était surtout valable pour les gens de la région, mais en fait, je vais vous le dire à vous aussi. Par parenthèse, la famille Gainsbourg, le chanteur, réfugié à Limoges, Serge, futur Gainsbourg, parce que ça s'écrivait, c'était pas Bourg, c'était Bourg. Futur Gainsbourg fut envoyé à l'école de Saint-Léonard, donc à l'école où j'étais. Né en 1928, il avait donc 2 ans de moins que moi. Je l'ai connu, mais sans plus. Vous savez ce que c'est, les grands, j'avais 2 ans de plus, à cette âge-là, ça compte. Les grands fréquentaient peu les petits, et en plus, il était interne, et moi, j'étais externe. Mais je l'ai connu, je me souviens même de livre, la figure très maigre, les grandes oreilles, très timides, comme c'est pas possible, en fait, bref. Voilà, et c'est pour dire qu'il est venu toutes sortes de gens, y compris celui-là. Alors, la solution finale, mise au point par les nazis, en 1942, s'applique en France. De grandes raves sont organisées en février 1943. Juifs, homosexuels, gitans, handicapés, etc. Ce fut terrible en Limousin car il y avait beaucoup de réfugiés, dont un grand nombre de juifs de la région parisienne. Les Français de la zone sud se rendent compte de ce que c'est que l'occupation par les nazis. Parce que jusque-là, avec le gouvernement de Vichy, il y avait des gens qui disaient il n'y avait pas si moche que ça. Il ne se passait pas grand-chose. Et il n'y avait pas l'occupation dans le monde. Ils avaient presque l'impression qu'il n'y avait pas d'aller. S'il n'y avait pas eu les cartes de rationnement, ils auraient dit, la guerre, c'est pas mal, non, surtout si on peut faire du parti noir. En Limousin comme ailleurs, l'énorme majorité de la population s'accommodait du gouvernement du maréchal. Beaucoup le vénéraient. Pensez donc, le vainqueur de Verdun, 600 000 morts à Verdun. Ça serait peste, non? Un chiffre pareil. Quand on a sur la conscience 600 000 morts, ça mérite le respect. Donc ils avaient. L'Église catholique se surpasse pendant toutes ces années, glorifiant Pétain au cours de processions dignes de l'Ancien Régime, glorifiant la Sainte Église apostolique et romaine et son pape Pie XII, ce grand humaniste. Les cléricaux pensaient en avoir fini de la République laïque. Celle qu'ils appelaient la République la gueuse. C'était leur langage, la gueuse. Donc ils pensaient que ça allait, c'était fini, on allait revenir à la royauté, ce que je sais. Moi j'ai vu des processions d'aimes, des trucs à fond, avec une bannière, avec la fleur de lys, tout, j'ai vécu tout ça. Voilà. Mon grand-père était déjà libre-penseur 100 ans avant. J'appréciais. Alors la troisième raison, toujours pour l'année 43, sans doute la plus importante pour le maquis. En mars 1943, le gouvernement de Vichy, de Pétain et de Laval, qui était son ministre, crée le service de travail obligatoire, le SPO, vous en avez entendu parler, pour fournir la main-d'œuvre, dont a besoin l'industrie de guerre en Allemagne et l'entreprise Todd, pour la construction du mur de l'Atlantique. Vous avez peut-être été en vacances sur les côtes de France, depuis le nord jusqu'aux Pyrénées, et vous avez vu encore des blocos en béton qui ont plus ou moins glissé sur le sol. Et ils avaient fait un mur tout le long de la côte. Il leur fallait la même heure. Comme les Allemands étaient tous bien mobilisés, en 43, ils avaient déjà... Les Allemands ont eu 8 millions de morts, il ne faut pas l'oublier. Nous, on en a eu 100 000. Tant mieux pour nous, on en a eu 100 000. Il y a eu 8 millions. le 18 millions de février. C'était vraiment le carnaval. Alors donc, tous ces gens-là, qui n'avaient jusque-là pas pensé du tout à résister à quoi que ce soit, ils se disaient, si on est pris par les Allemands, eh bien, on va commencer à s'inquiéter d'aller dans le maquis. Ce n'était pas des véritables résistants. Mais ils allaient se cacher pour qu'on les cravate pas, là, c'est tout. Alors, en conséquence, un afflux de jeunes réfractaires STO dans tous les maquis. Les FTP, l'AS, l'armée secrète, l'OERA, parce qu'il n'y a pas du tout les FTP, hein. Ils essaient de vous faire prendre, c'est pas vrai. L'OERA, c'est de l'organisation de résistance des armées. Il y a eu le combat, ça c'est venu des journaux. Il y avait le mouvement combat, Libération Sud, Franc-Tireur, etc. Il y en a eu plein, il y a eu plein de mouvements comme ça. Alors parallèlement, sur le plan international, deux événements capitaux vont inverser le rapport de force et préparer la chute du Grand Reich. Premier événement, après Pearl Harbor, excusez mon anglais, il est limousin. Le 7 décembre 1941, les USA, l'Amérique, lancent à fond son potentiel industriel contre le Japon et l'Allemagne. Ils fournissent du matériel à dodo aux armées russes qui luttent contre l'invasion depuis 6 mois. Parce que ça aussi, hein. Tout ça s'est payé, quoi, parce qu'ils ne font rien sans argent, ces gens-là. Mais bref, ils ont quand même armé à fond l'armée allemande, l'armée russe, par exemple, qui luttait jusque-là. Alors, deuxième élément. L'armée allemande aussi. Et l'armée allemande aussi, évidemment. Tout marchand d'armes, on est bien placé en France, on fournit des armes, les deux côtés, comme ça. Ça fait la joie de ceux qui travaillent dans les usines d'armement. Moi, ça me débête, mais en fait, c'est comme ça. Le deuxième événement, c'est le 2 février 1943. Après 8 mois de combat, la bataille de Stalingrad voit la victoire de l'armée russe. C'est l'hiver russe là, qui les a surtout vaincus, exactement comme Napoléon II fait la même connerie. Et l'hiver russe, faut se tenir. Donc, 2 février, il devait faire moins 40 ou moins 45, ça va terminer. Alors, si la résistance se renforce, Vichy, le gouvernement Vichy aussi. Le 30 juin 1943, la milice française, organisation paramilitaire, est créée par Pierre Laval, ministre de Pétain, pour lutter contre les résistants et aider les nazis dans la chasse aux juifs. Le chef national était Joseph Darman, et dans le Limousin, c'était un type qui s'appelait De Rougelas. Les miliciens étaient très dangereux, car ils connaissaient la région et les gens. Ils parlaient le patois, ils parlaient l'occitan. Alors que les Allemands, ils parlaient en occitan, ils étaient tranquilles, ils n'avaient rien compris. En mai-juin 1943, une perquisition chez mes parents. Sans doute dénoncée par les cathos, car mon père était un militant libre-penseur très connu. À la suite de quoi, mon père, de résistant légal, je vais vous expliquer ce que c'était, est devenu maquisard. Il est rentré dans le maquis à ce moment-là, dans les bois, quoi. En septembre 1943, après le battage du blé, avec bois. Pendant 3 semaines, on a fait 22 jours de battage de blé dans toute la montagne limousine. Alors je l'ai rejoint 2 mois après. Vous voyez, je l'ai rejoint moi, vraiment dans les bois, à partir de, disons, fin octobre 1943. Voilà. 2 mois après, au maquis, c'est un petit blé qui s'appelait Bouleuf. C'est un tout petit village près de Saint-Léonard. Vous verrez si on regarde là-dessus sur cette carte. Alors, des sabotages par les maquis se multiplient. Aussi, le 7 octobre 1943, est décrétée l'interdiction de circuler sans autorisation spéciale à pied, à vélo, en voiture, de 20h à 6h du matin dans les cantons de. Vous allez les voir, les bleds, il s'est marqué, Châteauneuf-la-Forêt, et Moutier, Saint-Germain-les-Belles et Saint-Léonard-de-Noblat, là où je suis. C'est la zone du maquis de Guingouin. C'est vraiment ce triangle que vous voyez là, où il y a tous ces petits points, mais on en parlera tout à l'heure, où vraiment c'était la concentration où les camps de maquis se sont créés. Et vous voyez, on est à fin 43, quand même. Alors, la libération, c'est au mois d'août 44. C'est-à-dire que c'est 7-8 mois avant. Il faut aussi ramener. Moi, je suis ennemi de raconter des histoires. Les faits sont les faits, c'est comme ça. Et ça n'enlève aucun mérite, hein, ceux qui l'ont fait, au contraire. Au contraire. Alors, à partir de septembre 1943, l'arrivée au maquis des réfractaires du service du travail obligatoire, que je vous ai expliqué, pose deux problèmes sérieux, la nourriture et l'argent. Parce que dans les bois, il n'y a rien, il ne pousse rien dans les bois. Rien du tout, à l'automne, quelques champignons, mais c'est tout. Puis il n'y a pas d'eau, il n'y a rien encore dans les bois. Rien du tout, comment on fait? Et puis il nous fallait quand même un peu d'argent pour acheter de l'huile ou je ne sais pas quoi, faire quelque chose. Je vais vous expliquer. À partir de 43, oui, la nourriture, la viande en particulier, faisait vraiment défaut. À l'époque, en particulier les bovins, on était des solides gaillards, c'est la race qui bougeait de point de vue des bovins, et puis on aime pas mal le cochon aussi, on le tuait tous les ans, à Noël. Alors donc, c'était difficile. Alors, dans mon pays, là, Saint-Léonard, chaque premier mois, chaque premier lundi de chaque mois, il y avait une foire, la plus grosse foire de la région, avec des milliers de bovins. Les services de la réquisition, le fichier, venaient prélever un quota d'animaux pour les envoyer sur le front russe. Les Allemands réclamaient, voilà, il nous faut, je crois, on peut dire n'importe quoi, 50 tonnes de veaux ou de génisses pour les envoyer pour l'armée, qui devait avoir besoin de viande rouge là-bas en Russie. Alors, c'était quand même assez curieux, parce que il y avait donc les représentants du gouvernement de Vichy qui passaient faire la réquisition. Alors le marché, il y avait une cloche qui donnait le signal du marché. Mais là, on n'avait pas le droit de vendre et d'acheter quoi que ce soit avant que les gens de la réquisition soient passés. Alors ils passaient, ils choisissaient des bêtes. Bon, les plus moches, bien. Et puis avec un ciseau, il faisait une petite marque sur le poil de la bête. Elle souffrait pas, la bête. Il faisait une petite niche, je ne sais pas, d'ici. On lui dit que ça, il donnait à ce moment-là, il donnait aux paysans un bon. Un bon, le service de vie. Voilà, prélevait un quota d'animaux, et un bon était remis aux paysans, indiquant le prix fixé pour l'achat de la bête, pour qu'il se fasse payer à la perception. Le type vendait sa bête, mettons, on va dire, je dis n'importe quoi, mettons, 100 francs, il avait un bon, et le lendemain il avait la perception, et le percepteur lui donnait 100 francs. Donc c'était la finance de la France qui payait le paysan. Et la finance de la France, c'était les Français. C'est vos impôts. L'État, avec quoi il y avait vos impôts? Ah ben oui, si vous ne savez pas, je vous l'ai dit quand même. Vous savez, la TVA sur d'acheter un peu d'eau, il y a bien la TVA là-dedans. Quand je bois, il y a un peu de TVA. Et bien là, c'était pareil à l'époque. Donc, si vous voulez, le pillage de la France a été organisé méthodiquement par les Allemands. Après tout, il faut le comprendre, c'était eux les vainqueurs. On était prisonniers d'eux, mais ils étaient très très aidé par le gouvernement de Vichy, qui faisait vraiment il voulait apparaître comme ça. Donc, alors, comment ça se passait? Parce que, bon, le type, il avait un bon. Vous allez me dire, mais la bête, elle devenait quoi? Je vais vous dire. Ensuite, les paysans conduisaient leur bête à la gare, à un kilomètre environ. Comme dans beaucoup de pays, le pays est sur la montagne et la gare est en bas, dans la vallée, à côté de c'est la Vienne, la grande liberté, là, c'est la Vienne. Donc la gare était là à peu près à un kilomètre. Avec beaucoup de virages, je sais. C'est très bossu. Alors, ces bêtes étaient chargées dans les wagons pour partir directement en Russie. Sur ce parcours, certains paysans de connivence avec nous quittaient la route. Ils avaient comme par hasard une envie pressante de tomber un peu d'eau qui les gênait dans leur vessie. Et alors ils allaient dans un petit chemin de traverse vers un camion que nous y avions planqué. Un camion qu'on avait piqué à Limoges. Un gros transporteur. C'est des transports Bernis, c'était des avions, des camions de 15 et 20 tonnes. C'était pas des petits machins. On pouvait charger une quinzaine de mètres là-dedans. Alors, 3 ou 4 veaux récupérés en vitesse, nous partions le plus vite possible. Nous gardions un veau, parce que à l'époque, on était dans les bois, hein, pas d'électricité, pas de frigidaire. Comment on fait pour conserver de la viande? Ah bon? Il faut la bouffer en vitesse. Hein. Parce que surtout en été, ça va vite. Hein. Bon, donc on gardait un veau, et puis les autres, on les rendait aux paysans. Alors le paysan récupérait sa bête et il allait se faire payer chez le percepteur le lendemain. C'est pas bon ça. Et alors? Alors donc, ceci, entre autres raisons, sûrement, explique la complicité avec les maquis. Les gars du maquis, c'est comme ça. Alors oui, personnellement, j'ai participé plusieurs fois à ces reprises de bêtes, 4 ou 5 fois, parce que après les foires d'été, il y avait beaucoup moins de bêtes, c'était surtout l'hiver. Alors 4 ou 5 fois peut-être, pour un peu plus bien. Alors le blé, parce que c'est pareil, il faut faire du pain, comment on fait? Alors le blé aussi était réquisitionné, pareil. Pareil, les services de réquisition venaient chez les paysans, et au battage, le gars qui avait fait 50 sacs de grains, il fallait qu'on lui en piquait 25. Pareil avec un mot, il allait toujours se faire payer de toute façon. Mais quand même, mais en fait, il y avait des combis. Alors, il y avait toute une complicité entre les paysans et les meuniers pour subtiliser la farine. Parce que, déjà, le paysan, il avait 50 sacs, il en déclarait 40. Donc, quand on peut en prendre 20, vous voyez, on est tout ça. Alors, il allait chez le meunier, il n'y avait pas d'argent. On a mis 10 sacs chez le meunier, il en gardait 2 pour lui, et il gardait 8 sacs de farine. Enfin, du son, enfin, 7 sacs de farine, un son, je ne rentre pas dans le détail. Mais il y avait toute une complicité. Et à l'époque, tous les paysans du Limousin, tout ça, ils faisaient tous leur pain eux-mêmes. Chaque paysan faisait son pain chez lui. Avec la maille, c'est que c'est une grande table avec un couvercle. Et dedans, on met la farine, on met un seau d'eau, et puis avec les bras, on brasse, on fait de la pâte, on fait du pain, comme ça, de meilleur que celui de, hein, que vous bouffez chez Bando, je suppose. Alors, tandis que le pain normal pour la population avait un butage à 98%, c'est-à-dire que c'était du saut, d'où le pain noir. En toute la guerre, on diffuse du pain noir. Sauf dans le maquis. Parce que dans le maquis, le paysan, il diffuse du pain blanc. C'est pas bon ça. Alors après, troisième problème, l'argent. Comment on fait pour avoir l'argent? L'argent est indispensable dans le système dans lequel nous vivons. Hein? Puis je crois qu'il y a, jusqu'à présent, il y a eu une révolution, il y a tatou, il y a toujours de l'argent. Il y en a qui en ont beaucoup et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Je n'ai jamais connu autre chose que ça. Alors, il n'y a pas d'autre solution que de le prendre là où il est, c'est-à-dire dans les services de l'État. Il n'est pas question de prendre l'argent chez un particulier, quel qu'il soit. Collaborateur au prendre n'a jamais pris un sou à qui que ce soit. Mais à l'État, si. Transport de fonds, perception, poste, gare. Il y a eu un coup qui a été fait par l'armée secrète de Corrèze. Ils ont un transport de fonds, ils ont ramassé à l'époque 2 millions de francs à l'époque. Hein. Et ça représentait. Je ne sais pas ce que ça fait aujourd'hui. Il ne faut pas transformer ça en euros, les euros, ça ne fait pas beaucoup. Il faut voir ce qu'on pouvait acheter à l'époque avec une somme pareille. Ça, c'était un coup terrible. Ces opérations de récupération réussies par les FTP, par l'armée secrète, les gaullistes, c'était les gaullistes, l'armée secrète, permettait d'acheter de la nourriture, conserve, volaille, huile, etc., etc., avec la complicité de certains commerçants. Bon, ça c'est tout. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'organisation des camps gelés, là. Comment on s'organisait pour se coucher, pour s'abriter de la pluie. Tout ça c'est organisé. Et alors, attention, pour faire cuire, faut faire attention. Si vous faites du feu, ça fait de la fumée. Il passe un avion, vous êtes repéré. Et n'oubliez pas que là, les Allemands étaient là. Ils occupaient. Donc, ils avaient des avions, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc, il fallait s'organiser autrement. Alors, on avait des trucs de réchaud plus ou moins fabriqués comme ça, enfin, à la débrouille. Des réchauds à pétrole qui marchaient pas. On arrivait à faire mettre des choses comme ça. Et puis, alors, pour l'eau, c'était les paysans qui nous ravitaillaient avec des citernes qui servaient à alimenter les bestiaux. On buvait l'eau, la même eau que buvaient les vaches, pareil. On n'est pas mort, après. Et alors donc, voilà, on s'organisait comme ça. C'était... Mais pour un gosse de 17 ans, c'est magnifique. On a l'impression qu'on joue une pionnière de pharmacie. Bon, alors à la même époque, De Gaulle, pour renforcer sa position face à Churchill en Angleterre, charge Jean Moulin de réaliser l'unité des mouvements de résistance. Et il part dans tout le pays. Moulin meurt le 8 juillet 1943, mais il a eu le temps de préparer cette unité. Des mouvements de résistance non communistes, très nombreux, l'AS, l'ERA, Combat, Franc-Tireur, etc., etc., ce groupe, 5 juillet 1943, entre eux, est créé le MUR, Mouvement Uni de Résistance, qui était très important. En Limousin, le secrétaire général était le socialiste Jean Gagnon, né à Saint-Léonard-de-Noblat, mon bled. Il y a eu pas mal de grands hommes là-bas. Excusez-moi, c'est mon âge pour moi, le terrain. Et là, ce pauvre type, il est quand même mort en déportation. Ça ne l'a pas réussi. Bon, c'était le socialiste, on ne peut pas en dire, c'était un communiste. Bon. Les communistes, par l'intermédiaire de leur vitrine politique, le Front National, veulent garder la main sur les FTP. Après des mois de discussions, des palidonies extraordinaires, le 9 novembre 1943, les FFI, Forces Françaises de l'Intérieur, se structurent et sont officiellement unis le 1er février 1944, c'est-à-dire 5 mois avant la libération. Ce n'est qu'à ce moment-là que les FFI se forment, parce que les FTP ont quand même été obligés d'y adhérer, parce que sinon ils allaient être mis à côté de tout. Donc ça s'est réussi qu'un an après la mission de Jean Moulin, un an après sa mort. En fait, les FTP restent assez indépendants, bien qu'ils aient un représentant du Front National à la France libre depuis début 1943 à Alger. Ça, c'est la tactique un peu comme l'Église. Vous voyez, on a un pied à gauche, un pied à droite. Mais là, c'est pareil. On est Front National dans la Libération, et on est représentant du PC près de De Gaulle en Algérie, parce qu'il faut pas pouvoir venir, on ne sait jamais. Parenthèse, les communistes avaient d'autres objectifs que la seule libération de la France, d'où leurs efforts pour étoffer secrètement ce qu'ils ont appelé les milices patriotiques. Ceux dont on parle très peu dans les bouquins d'histoire, tout ça, c'est vrai, hein, les milices patriotiques. Et ce, jusqu'à la libération, jusqu'à la veille de, au mois d'août, mais ils ont toujours continué. Les chefs staliniens du Parti communiste rêvaient d'une région Limousin-Auvergne-Savoie. Vous voyez, Limousin-Auvergne-Savoie, comme ça. Pour transformer un bastion soviétique pour s'opposer à De Gaulle. Et qui sait, de là prendre le pouvoir pour faire de la France une démocratie populaire. Pour cela, il fallait des armes, d'où le double jeu communiste. Je vais vous expliquer. Ils ont un pied âgé, comme ça ils font du prosélytisme pour qu'on leur accorde des armes, le droit d'avoir des armes, et en même temps ils créent un bastion pour essayer de prendre le pouvoir. Alors donc, il fallait pour cela des armes, d'où le double jeu communiste. Je vais le dire. Front National à la France libre gaulliste et milice patriotique dans les maquis. C'est-à-dire les types léninistes. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans, on est là demain matin. Alors, le manque d'armes reste la préoccupation permanente dans la résistance depuis 1941. À partir de l'été 1943, la situation évolue. Les Anglais font des parachutages d'armes presque chaque mois, à partir de là, l'été 1943. Mais ils sont réticents à en procurer au FTP. Les réservant plutôt aux autres mouvements, AS, ORA, Combat, et les corps francs renouvelés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps franc renouvelé ? Pour être rapide, il y a le renouvelé, c'est un bonhomme, il s'appelle comme ça. C'est ça qu'on appelait les corps francs renouvelés. C'était un royaliste. Vous avez bien entendu, un royaliste, militant royaliste. Et son fils s'est présenté aux élections après la guerre avec les tickets royalistes. Pour devenir président de la République. Mais il annonçait qu'il était pour le roi. Et c'est son fils, de ce type. Bref, bon, maintenant, il est pas mort, hein, le fils, il est au conseil, comment on appelle ça, économique et social, ce bidule qui sert à rien, c'est... Voilà. C'est pas le seul truc qui sert à rien. C'est pas le seul truc qui sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Il y a tellement de... Alors donc, eux, ce type-là, le père Louvain c'était un spécialiste des services secrets. Alors, il était directement en relation avec les services secrets américains et anglais, et de Gaulle, bien sûr, pour faire des coups, et c'était plutôt des coups sur des ambassadeurs, sur des représentants très importants. Enfin, alors ils étaient armés, justement. Ils avaient des politiques, ils faisaient la plongée sous-marine pour aller couper des câbles, enfin, des trucs terribles. Mais, bon, il est ce qu'il est, mais il est mort aussi à Buchenwald, le renouvelant. C'était un royaliste. Comme quoi, dans la résistance, il y a eu toutes sortes de choses. C'est la vérité, il ne faut pas dire n'importe quoi. On peut essayer de nous faire avaler des couleuvres roses comme ça ne marche pas. Alors, à défaut d'armes, en quantité suffisante, Gengwell va avoir recours à la dynamite. Vous avez des photos qui vous font voir qu'on a fait exploser et sauter des pompes. Dérober dans les carrières et surtout à la mine de Wolfram, de Saint-Léonard de Nobel, toujours dans Montbéli. Qu'est-ce que c'est que le Wolfram? Le Wolfram, c'est un métal très proche du tungstène qui sert à durcir les aciers. Alors évidemment, les armées, à partir de l'armée allemande qui occupait, étaient très friandes de ce minerai, parce que ça servait, Dieu sait qu'ils en avaient des canons, il fallait durcir l'acier des canons, donc, et là, il y avait forcément la dynamite pour faire sauter tout ça. Alors, certains de ses compagnons, de Gengwell, la connaissaient très bien pour y avoir travaillé. Comme les noms vous diront bien, Pierre Villachou et Robert Fournier. Ce dernier était l'un de mes amis d'enfance, de 3 ans plus âgé que moi. J'ai toutes les photos, on sortait toujours ensemble. À la mine, en question, la mine de Wolfram, où mon père avait travaillé aussi, occupait 200 ouvriers à l'époque. Le premier prélèvement de dynamite, le 23 janvier 1943, piloté par ces deux jeunes, la Villachou et Fourneau, sera bu 1,5 tonne. J'y étais pas là, hein. J'y étais pas. Je vous dis, janvier 43, mais je suis arrivé en novembre 43. Mais je suis parfaitement au courant, en plus c'était mon copain, alors il m'a expliqué ça 20 fois, il en a peut-être rajouté un peu, mais en fait, c'était pas mal. Donc, ils ont récupéré 1,5 tonne. Le second, de plus de 2 tonnes, se fera un an plus tard, le 13 mars 44. À plus de 2 tonnes, 13 mars 44. À partir de là, une compagnie de 80 hommes de la Wehrmacht fut cantonnée à la mine. Particulièrement, les Allemands ont mis 80 soldats pour garder la mine. À Saint-Léonard, dans mon bleu. Les escroqueries vont permettre la destruction des botteuses. Les botteuses, c'était pour botter le foin qu'ils envoyaient toujours en Russie, parce qu'en Russie, on servait beaucoup de chevaux, des chevaux et tout ça. Pas pour l'armée allemande, ils n'avaient pas de chevaux, mais pour les paysans russes qui leur amenaient du fourrage, enfin bref, dont il fallait. On a fait sauter tout ça comme ça. Et puis les batteuses, on a fait sauter les batteuses pour priver les Allemands de paille, de foin et de blé. Plus tard, avec des bâtons de plastique américains, ce sera plus facile de faire sauter les ponts, viaducs, pylônes électriques, etc., etc. Cet emploi de la dynamite par les FTP de Gengwell a frappé l'imagination des populations, et même les Allemands, qui affabulaient tant et plus sur la puissance du grand maître, entre guillemets. Ils appelaient ça le grand maquis, parce que quand on faisait du bruit, mais en arrière, quand on fait du bruit, on a toujours l'impression qu'on est grand. C'est ce qui se passe dans les manifs, on gueule, c'est tout ce qu'on fait, mais on gueule. En janvier 1944, les Anglais décident d'armer tous les maquis. Le Front National communiste ayant rejoint les FFI, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc à partir de là, ils ont droit à avoir des armes. Tout se tient. En mars 1944, les FTP se voient même octroyer des terrains de parachutage qui leur sont réservés. Les préparatifs pour le débarquement expliquent cette évolution anglaise. On est en janvier 1944. Le débarquement aura lieu quelques mois après. Donc tout est pensé. En mai-juin 1944, le Haut-Limousin est devenu sûr pour les parachutages. Le 26 juin, en plein jour, 78 forteresses volantes accompagné d'une escadrille de chasseurs britanniques, largue 860 conteneurs d'armes sur plusieurs terrains en même temps. C'était grandiose. Incroyable de voir tous ces parachutes. Et problème. Ce fut un gros travail pour évacuer cela. Je vous garantis qu'on en a bavé. Parce que... Il y avait une fois des trucs qui étaient accrochés dans les arbres. Alors, il fallait couper les branches, faire trois. Bref. J'étais jeune. J'aurais monté au rideau, comme dirait l'autre. Nous ne récupérons que des crayons plastiques, manque de chance, et des mitraillettes, mais pas de fusil automatique, pas de bazooka. Les bazookas, c'est une espèce de canon, si vous voulez, en exagérant, portable. On le porte sur l'épaule, c'est un diamètre à peu près comme ça, c'est long à peu près comme ça, et on peut quand même envoyer des espèces de torpilles, après ça, c'est un nom particulier pour... Donc, t'envoies ça sur le champ, il va se faire. Il est mort. Hein. Alors, il n'y en avait pas. Manque de chance, il n'y en avait pas. Alors, ce n'est que le 14 juillet 1944, 14 juillet, c'est-à-dire 8 jours avant ce qu'on appelait la libération, qui était vers le 20 ou 25 août, un peu partout. Hein. Ici à Marseille, je ne sais pas, mais c'est à peu près dans ces dates-là. Hein. Voilà, par là, mais c'est là, c'est à peu près tout par là. Alors là, 36 forteresses. Font un autre grand parachutage à Sussac, près du Mont Berlin. C'est le point culminant de la région. Le Mont Berlin, il fait à peu près 950 mètres. Alors, pareil, gros travail d'évacuation, dans des conditions épouvantables, j'en parlerai tout à l'heure. À partir de là, chaque maquisard fut armé jusque-là. Moi, personnellement, j'ai été doté de deux carabines, je ne sais pas pourquoi, deux carabines automatiques, Remington, américaines, avec. Il y avait 9 ou 10 chargeurs, 9 ou 10 balles, monsieur. Oh, il y avait 10 balles qui foutaient le camp. Ça faisait beaucoup de bruit, ça aussi. Et d'une demi-douzaine de grenades offensives et défensives. Là, une toute petite parenthèse, quand la guerre a fini, il a fallu les rendre, les armes. Alors, mon père me dit, t'as deux carabines, t'en rends qu'une. Et tu la gardes. On la gardait. Puis il est. Les grenades, tu n'en rends aucune. Parce qu'on n'avait rien bouffé. Il y avait des cartes de ravitaillement jusqu'en 1950. Ça s'est arrêté là, jusqu'en 50. Alors, une grenade dans la Vienne, tu ramassais 40 kilos de poisson. Pas l'Italie, la moitié du village, on a mis. Ah ben oui, enfin, je dis, ah, c'est moyen. Vous n'étiez pas vegan à l'époque. Ah, ben, non, mais quand il faut bouffer, tu. Hésite à devenir anthropophage. Mais les vieux survivent parce qu'on ne les voit pas. La viande est trop dure. Nous avions aussi des fusils mitrailleurs, Bren. Après, j'ai été affecté avec un fusil mitrailleur. Un stock de mitraillettes, Sten, le fameux Sten, qui tirait, les gars de regarder, ils tiraient. Et des munitions en quantité. Oui, là, parenthèse encore, il y a eu des accidents complètement idiots. Parce que ces petites. Mitraillette Sten, une marque anglaise, ça a été fait à des centaines de milliers d'exemplaires par des ouvriers peu qualifiés. Alors, c'est comme ça, paf, paf. Il y en a qui se sont fait péter des jambes ou des bras, parce que c'était affreux. Bon, alors, une partie de ces armes a été cachée pour les milices patriotiques que je vous ai dit tout à l'heure. Les milices patriotiques clandestines du Front National, du Parti communiste, par les membres recrutés par les commissaires politiques qui faisaient du prosélytisme par les FTP, qui ne comptaient pas que des communistes. Mais il y avait des commissaires politiques, on les appelait les polos politiques, donc c'était les polos qui étaient chargés de faire du prosélytisme pour choisir des gens sûrs. Pour adhérer aux milices patriotiques. J'ai vécu tout ça de très près, j'ai même été sollicité. Évidemment, je l'ai envoyé chez Joseph. Vite fait. Alors, l'arrivée des armes permit le renforcement des effectifs du maquis par les légaux, je vous expliquais, qui n'attendaient que ça. Il y en avait qui rêvaient de pouvoir nous rejoindre. Mais pas d'armes, on les refusait. Oh, moi, j'étais heureux, mais les chefs, celui qui a dit, il disait non, on n'a pas d'armes à donner, tu viens pas. Même les gendarmes rejoignirent, en particulier un bloc de 270 gendarmes d'un bloc qui s'appelle Mayabourg, qui est là. Mayabourg, ils ont rejoint avec un armé bagage. Ils sont venus avec toutes leurs armes et tout. Ça, c'est formidable. Ce fut la même chose pour l'armée secrète, l'OIRA, combat, libération, franc-tireur, etc. Tous les murs furent renforcés en armement. Tout était prévu. C'était pas mal organisé par les Anglais, quand même. Surtout les Anglais et les Américains étaient plus loin. Ils fournissaient le matériel, mais c'était surtout les Anglais avec De Gaulle, malgré qu'il y avait du tirage entre eux, on a quand même reçu des armes. Alors, une parenthèse encore, au moins de la libération, hein, vous avez bien entendu la date, hein, je vous l'ai dit, le 14 juillet 1944, à peine un mois avant la libération, les attentistes, depuis 1940, se réveiller résistants opportunistes. Parce que se disaient, mais j'ai toujours résisté, oui, mon ami. Ce fut encore pire au début septembre. Si va la vie, c'est comme ça. Toujours la mouche du coche, le dernier qui arrive, qui a tout fait, c'est pas vrai, c'est fermé. Alors le maquis se renforce, mais les Allemands et la milice continuent la traque aux Juifs et aux résistants. La milice, 500 à 600 hommes à Limoges. Et aux environs d'Imog, dans la chaîne d'Auvergne, les petits blés, il y en avait aussi, mais surtout à Imog. Et utilisé par les Allemands pour quadriller les campagnes. Je vous l'ai dit, ils parlaient le patois, ils connaissaient les gens, les familles et tout ça. Les morts, déportés, emprisonnés, internés se multiplient. Le 26 mai 1944, 22 résistants, maquisards et légaux, sont arrêtés à Saint-Léonard, dont mon père. Donc mon père était arrêté à ce moment-là. Ils sont emprisonnés à Limoges, on appelle ça le petit séminaire, c'était un ancien séminaire qui était transformé en prison. Puis après, ils ont été internés au camp de Saint-Paul-des-Jaux. Il est là, je vous le montrerai, près de Ligourde. Certains qui connaissent Ligourde, c'est à 15 km de Ligourde, en ligne droite comme ça. Il y eut des arrestations dans toute la région, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze, tout le Limousin. Les camps de rétention, il y en avait trois, sont là, Saint-Paul-des-Jaux, Saint-Germain-les-Bêtes et Lexon. Je vais en reparler tout à l'heure. Alors, grand événement. En ce printemps 44, deux événements lourds de conséquences pour le Limousin et la résistance se produisent. Le premier, la deuxième SS Panzer Division d'Astrech, formée de 15 000 hommes et équipée d'engins blindés et de canons redoutables. 3 000 véhicules, 3 350 blindés, 126 chars, dont 64 Panzer IV et 62 Panzer VII, commandé par le général Lamerding. La puissance est deux, trois fois supérieure aux divisions classiques. C'est la Das Reich, c'est la division du Reich. Bon. Après avoir semé l'effroi et la mort en Ukraine, ils avaient fait des atrocités en Ukraine et les mises au repos près de Montauban. Le Montauban, c'est pas bien loin au sud de Toulouse. À Montauban, le maréchal Rommel la met en réserve pour le débarquement à venir. Tout le monde y pense au débarquement. On ne sait pas quand, mais même eux, il avait mis les grands généraux, donc il avait mis cette division en réserve pour un moment qu'il pourrait utiliser au moment voulu. Alors, deuxième raison, il s'agit de tout à fait autre chose, mais très important aussi pour les FTP et pour Georges Benoît en particulier, personnellement. Il s'agit du démantèlement total de la direction des FTP de la zone sud, infiltrée par un agent secret allemand, recruté par les dirigeants staliniens, très éloignés de la lutte sur le terrain. Conséquence, avant que la zone sud se soit réorganisée, c'est trois bureaucrates du parti qui prennent la direction. Léon Mauvais, le bien nommé, Raymond Guyot et Eugène Hénaff. Tous cahiers du comité central du parti, ignorant tout des réalités militaires, n'obéissant aveuglément qu'au parti, ils ordonnent en mai 1944 de s'emparer des trois capitales limousines, Tulle en Corrèze, Limoges en Vienne et Guéret dans la Creuse, pour créer leur fameuse base de résistance et d'attaque aux ordres du PC en vue d'étendre l'influence de ce dernier jusqu'en Savoie avant le débarquement. C'est-à-dire prendre. prendre pied avant De Gaulle. Tout est pour, c'est ça qu'il faut. Ça, on ne vous l'apprendra jamais dans les bouquins, personne n'en parle, mais c'est comme ça. Tout ça, c'était. Puis il y a des preuves, après, on l'a bien vu, dans les procès qu'ils ont fait avec De Gaulle, c'est fou. Cependant, Guingouin s'oppose à cette folie de bolchevique au petit pied. D'autres obéissent, le parti ayant toujours raison par principe. Ils vont investir Tulle. Les FCP, ils vont investir Tulle, la capitale de la Corrèze. On connaît la suite. Le lendemain, les Allemands arrivent, les SS. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 78 otages, ils les pendent. Ils les pendent au balcon des rues et au crochet du boucher. Les bouchers avant avaient des crochets où on accrochait les animaux, les bêtes étaient accrochées, les cochons tout entiers étaient accrochés comme ça. Surtout l'hiver, pas l'été, mais là c'est en plein été. 99 suppliciés comme ça. Certains ont certainement dû être accrochés qu'ils n'étaient pas morts. Enfin bref. Et ils ont été exposés pendant une dizaine de jours en plein soleil. Tout ça, c'est le résultat de l'obéissance des FTP aux ordres des trois couillons du comité central. Bon, Guingouin a refusé. Il ne marche pas. Alors, vous allez dire à Guéret. J'ai parlé aussi de Guéret. Alors, dans Guéret, là, les FTP aussi, ils ont essayé de prendre Guéret, mais ils ont été un peu plus sur la pointe des pieds. Dès qu'ils ont su que les Allemands arrivaient, ils se sont un peu retirés, ils ont bien fait. Et sur le parcours, c'est pas loin de chez moi, hein, moi, où je suis né, moi, c'est pas 50 km, c'est même pas 30 km. Tout le long de la route, il y a des stèles où ils ont bousillé tout ce qui bougeait, ils l'ont bousillé au passage. Bref. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, mais c'est épouvantable. Concernant les FTP de Guingouin, ils multiplient les actions pour entraver le plus possible le déplacement des Allemands. Parce que le mot d'ordre, enfin je l'ai su un peu après, le mot d'ordre avait donné comme mission à la résistance de reculer le plus possible la montée des troupes allemandes vers la Normandie, vers les côtes. On ne savait pas où ça allait se produire, mais ça allait se produire. Donc, voilà. Alors, c'est là qu'on a fait sauter des ponts en masse, on a abattu des arbres, on a fait... Par exemple, je donnais ça pour les gendarmes jaunes sur la Nationale 141, qui maintenant est devenue la D-1941, dans la ligne droite après Limoges, en sortant de Limoges, il y a une grande ligne droite. C'est la route qui va de Limoges à Clermont-Ferrand, au national à l'époque, déclassée aujourd'hui. On peut encore voir, encore aujourd'hui, voir les souches, les rochers des gros arbres que nous avons abattus. Là, j'y étais, c'est mon père qui menait la danse. Alors, on faisait des entailles au passe-partout. Mais c'était des passe-partout de 2,40 m, c'était pas les arbres, ils étaient comme ça. Voilà. On s'enlayait toutes les 10 minutes, tchèque. On faisait une entaille, un cordon, un truc américain, les bâtons américains, paf, de plastique, et l'arbre était sur la route. Donc, quand ils arrivaient, les Allemands, ils étaient très, très équipés, ils avaient des bulldozers, ils avaient tout, mais quand même, ils étaient quand même vachement emmerdés pour enlever tout ça. T'avais pas dit que ton père était arrêté? Hein? Ton père avait été arrêté, ouais. Vous l'avez libéré entre temps. Mais attends, c'est après. C'est encore. On y arrive. On y arrive. Parce que vous avez remarqué, hein, on arrive au mois d'août 44. Donc on va être à la libération. On arrive, on a été fini. On arrive à la libération. Mais je voulais vous expliquer comment les choses ont pu se faire. Comment c'est venu. C'est pas comme ça, bon matin, on a dit, si on allait libérer les mots. Pas du tout. Alors donc si vous y passez, on ne sait jamais, vous. Je pourrais vous dire, voilà, partout il manque des. Il reste encore des arbres, puis il y a des longs parcours. Et on voit encore des rejets de cette époque-là, parce que 50 ans après, il y a des rejets. Alors voilà. Alors, la route est enchevêtrée, obstruée par des troncs énormes que les Allemands mettront plusieurs heures à dégager. Et là, dans cet endroit-là, ils abandonneront une camionnette en panne et une moto que nous récupérerons le lendemain. On l'a ramené justement dans le maquis où j'étais. Et ils feront sauter le pont, comme vous le pont de Saint-Léonard-des-Reblats, en représailles, les Allemands sont venus, Ils ont brûlé une maison, ils ont brûlé une école. L'école du, qui était dans le petit village de Nobla, parce qu'il y a Saint-Léonard, Nobla, c'est relié maintenant Saint-Léonard de Nobla. Et c'était l'école où ma mère avait fait ses premières connaissances de l'alphabet, la personne en train de faire chier, voir qu'il est bon. Chaque jour, des actes semblables sont menés, toujours le plus rapidement possible, en évitant tout accrochage. Il n'était pas question de se battre. On n'avait pas la puissance de ça. Mais on les reculait tant qu'on pouvait. Alors le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie, nous dit voilà, nous l'espérions depuis des mois. Ce fut la joie au camp des Bouleufs. Le petit bois où j'étais, ça s'appelait les Bouleufs. Ce fut la joie au camp des Bouleufs. J'avais 18 ans depuis une semaine. Ce fut un beau jour. Aussitôt, une partie de la division d'Astrèche, celle que je vous ai signalée, qui était au repos, en Montauban, prend la direction du nord, remet l'appel en renfort. Débarquement le 6. Le 8, les premiers éléments de cette division arrivent le 8, 48 heures après, ils arrivent à Tulle. Je vous l'ai dit, pendus, ils sèment la terreur. 99 pendus, et près de 300 otages en plus. 300 otages. Parce qu'on va en parler des otages. Tout cela résultant des élucubrations du bureau cadre du Parti communiste. En Creuse, direction Guéret, il massacre des dizaines de personnes. Je vais plus vite que mon peuple, hein. Je vous l'ai déjà dit. Il massacre des dizaines de personnes sur leur passage. Le 9 juin, une autre unité de la Dasrèche arrive dans le secteur Bémoutier. Vous allez trouver sur la carte. Le général Lamerdine supervise l'opération du centre à l'hôtel de Limoges. Un plus grand hôtel de Limoges pour diriger la situation. Les 300 otages de Tulle sont internés à Limoges au manège du 21e régiment de chasseurs. Parce qu'il y avait beaucoup de militaires avant la guerre, les casernes. Sur les 300, 150 sont déportés, il en reviendra 6. Ça fait mal. Hein. Le 9 juin, le général. Ah, là, gros espoir. Gros espoir de. Pas de moi, mais vraiment les copains. Le 9 juin, le général SS Edmund Kampf, venant de Guéret, est fait prisonnier près de Saint-Léonard, juste à côté de où je suis, sur la 141, près du village d'Écouveau, où le frère de ma mère avait sa ferme, par un groupe de FTP dirigé par Canou, que j'ai très très bien connu. Il s'appelait Canou, je dis, je suis très bien Canou, je suis très bien connu, ce type. Alors les RSS recherchent leur général, qui a été fait prisonnier, et ne le trouvent pas. Alors ils fusillent deux paysans de ferme tout proches. Je vous l'ai dit, qui était le frère de ma mère qui avait sa ferme, mais à côté, il y avait deux fermes, qui s'appelaient Juste et Maladise, que j'ai très très bien connu, j'ai fait les batailles chez eux et tout ça. Ils sont abattus devant leur famille très nombreuse. Vous voyez, c'est. Mais ils l'ont. Alors, on arrive le lendemain. Vous avez vu, débarquement le 6, ça se passe le 8, le 10, le 10 juin, à la nuit du 10 au 11, au radio sur Berne. L'horreur absolue, comme seules les troupes en guerre peuvent en commettre. Il ne faut pas dire c'est les Allemands, toute armée, tout individu, tout être humain déguisé en soldat, à qui on demande de faire la guerre, est capable de faire ça. Faut pas croire que les Français ne l'auraient pas fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en Indochine? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie? Qu'est-ce qu'ils ont fait partout? Non, mais oh, j'ai vu de quoi les autres sont capables. J'ai vu. C'est pas bon. Bon, bref, la troisième compagnie du régiment Der Führer, c'est la division d'Astrèche. Le régiment s'appelle Der Führer, c'est-à-dire le régiment du Führer. Alors, c'est pour vous dire s'ils étaient choisis. C'était des SS purs et durs. De la division SS d'Achresse, commandée par le capitaine Otto Kahn, va brûler entièrement le village et massacrer méthodiquement 642 personnes, mitraillées et brûlées au lance-flammes. 245 femmes, 190 hommes, 207 enfants. Vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a si peu d'hommes? Parce qu'ils sont prisonniers. Il y a 2 millions de Français prisonniers en Allemagne depuis 1939. Les quelques jeunes qui restent, ils sont dans le maquis. Donc il ne reste que les vieux, et peut-être les lâches qui sont restés là, 190, ils ont été grillés. Le Front National du Parti communiste diffuse des tracts que j'ai à l'ensemble 1200 morts. Il y en avait 642. Toujours le mensonge, rien ne les arrête. C'est un système qui est basé entièrement sur le mensonge. Tout le système russe a été décrit comme un mensonge absolu. Alors, à partir de là, pourquoi 12? Comme je dis, c'est mesquin, ils auraient dû dire le mettre 12 000, ça aurait été mieux. 1200 pour 642, c'est pas mal. Alors, en même temps que la tragédie d'Oradour, on arrive à ce que tu posais, une information parvient à Guingouin, selon laquelle le général Lamerdine s'apprêtait à déporter les internés des camps de Nexon et de Saint-Paul-des-Joncs, que je vous ai évoqué tout à l'heure. Il y a une rafle où mon père a été cravaté avec 22 personnes, là, Saint-Paul-des-Joncs. Aussitôt, Robert Fourneau, bras droit de Guingouin, mon copain d'enfance, part avec un groupe pour Nexon. Nexon, c'est un camp qui est plus au sud, qui est le plus important, et c'est là que se font les convois vers Buchenwald. C'était donc, il voulait faire la merdique avant de continuer sa route sur la Normandie, il voulait faire le dernier convoi pour Buchenwald. C'était paranoïa. Bon, alors, donc, et son autre copain, David Lachou, il part pour Saint-Paul-des-Joncs. Mon père y étant interné, je fais partie de ce dernier groupe. Mais attention, on n'était pas nombreux, on était 8, hein, pas plus. Hein. On attaquait le camp en 8. Une petite camionnette, on était 8, mais on était armés, jusque-là. Alors, dans la nuit, effet de surprise, aussi un détail. Les gens qui gardaient ce camp, c'était des soldats de la Wehrmacht, mais c'était tous des types qui avaient 40 ans, okay. Parce que tous les jeunes, ils étaient sur le front, ils s'étaient tapés. Ils résistaient à l'avance des troupes allemandes et des troupes américaines. On était en pleine bagarre. Donc c'était des vieux et ils savaient très bien que c'était la fin. Donc ils n'étaient pas très chauds pour ce bagarre. Parce que sinon on n'aurait pas pu. Toujours est-il qu'on arrive en pleine nuit, effet de surprise. Alors, mais on avait quand même. On n'était pas trop mal dirigé parce que le camp n'était pas très grand, ça faisait 3-4 baraquements, il y avait environ, quand il était plein, 300-350 prisonniers, pas plus. Alors il y avait des barbelés, comme on voit à la télé, barbelés 8 mètres de haut, 4 miradors aux 4 coins, avec en haut un mètre, une mitrailleuse, puis sulfate, on a besoin de tirer un petit peu, voilà, c'était comme ça. Alors on arrive là-dedans, et on se met à deux de chaque côté, aux 4 coins, là, et on se met à tirer, mais alors à tirer. Hein, moi, j'avais un revolver et une carabine. Alors, on avait des sortes de tirs. Et puis, alors, on avait des grenades fumigènes. Et c'était pas des grenades comme on reçoit dans les manifs. Ça faisait juste de la fumée, c'est tout. Mais vraiment, une fumée épaisse. Alors, les Allemands, en hiver, j'avais des centaines, on était 8. Bref. Alors, toujours est-il que la porte était aussi une porte en barbelé, hein, avec des rondins qui roulaient sur une. Il y avait une grande porte qui s'ouvrait comme ça. Alors, avec le camion, on rentre dedans, paf, hop, et alors les tubes, ils se rendent, quoi. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux, les gardiens, ils étaient peut-être 7 ou 8, pas plus. Allez, on a récupéré déjà les 4 mitrailleuses, tout. Et alors, on a libéré tout le monde. Alors, dans la nuit, nous libérons tous les prisonniers, 300, hein, on estime à 300, dont les 22 de Saint-Léonard, de Montpellier, parmi, et mon père qui en faisait partie, parmi les prisonniers, il y avait l'ancien député socialiste Marcel Dardel. Alors, pourquoi je le cite? C'est parce qu'il était le cousin d'un jeune décorateur sur porcelaine qui s'appelait Camille Dardel, qui avait été tué le 17 avril 1905 au jardin d'Orsay à Limoges. C'est un jardin juste à côté de la gare. Il a été tué dans les grandes grèves de 1905 à Limoges. Et bon, c'est la même famille, c'est le même nom, c'était le cousin de ce jeune qui avait été tué. Et il était député de ce livre, il était là, il dit, mais bon, on l'a libéré. C'est marrant, mais c'est comme ça. Alors je dis, l'effet de surprise joue en notre faveur, l'opération se déroule très rapidement et sans diffusion de sang. Prévenu, les SS de la Merdine arriveront trop tard, il n'y a plus personne. Il retourne à Limoges. Le général retourne à Limoges. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et il embarque pour la déportation des prisonniers de la, de la prison du Champfort, Limoges, il y a une grande prison qui est juste en face, au centre de la ville, une très grande prison. C'est là où, en 1905, là je reviens à ce qui s'est passé dans les grandes grèves, c'est là que les grévistes ont enfoncé la porte de la prison en 1905. Mais ils ont été attaqués par les dragons, ça a fait terrible, les dragons à cheval. Ça a été affreux. Alors le général Berdy est vraiment paranoïaque, et pourtant, il mourra paisiblement en 1971, à l'âge de 66 ans, tranquille. Et alors pourquoi parce que c'était un ami intime de l'autre, de Kampf, celui qui a été pris par Caillou. Alors, vous allez me dire, mais Kampf, qu'est-ce qu'il est devenu? Guingouin a décidé, pourtant, il était ce qu'il était, mais il ne faisait pas tuer les gens comme ça. Quand ils ont brûlé au Radoubet, il a dit, on fusille, il était fusillé. Il l'a enterré dans la Creuse. Là, donc, un des grands généraux, c'était vraiment décoré de je ne sais pas quoi, la croix de fer, la croix de je ne sais pas quoi, une plus grosse décoration, et c'était un ami intime de la Merdine. Et la Merdine, il a reculé de 24 heures sa remontée vers la Normandie. C'est dingue, c'est ça. Alors, on continue. Quand même, ce n'est pas fini. Le 12 juin, 44, ça va vite, on était au 10. 48 heures après, les blindés de la division d'Achrech arrivent par voie ferrée. Ils sont venus sur les plateaux, ils ne sont pas venus comme ça. Parce que ça ne roule quand même pas très vite, tellement un gros machin comme ça. Par voie ferrée à Poitiers, le Jean-Michel Rommel a décidé de les envoyer sur le pont de Normandie, où le débarquement a lieu depuis 6 jours. Alors ça a commencé il y a 6 jours. Commencé le 6, on est le 12. Ces 6 jours sont très précieux pour les Américains, car si la division d'Astrèche était arrivée plus tôt, cela aurait été encore plus dur pour eux. Parce que le débarquement, ça n'a pas été une partie de plaisir. Ça a été très dur. Et si les SS de la Dastrèche avaient été là, je pense qu'ils auraient débarqué quand même parce que la puissance américaine était un gros compresseur, mais ça aurait été dur. Alors les SS sont encore loin de la Normandie, bon, voilà. Ils sont qu'à Poitiers. Les Anglais les bombardent, les routes et les voies ferrées pour les ralentir. Alors des volontaires continuent à rejoindre le maquis, j'en parlais tout à l'heure, c'est les combattants de la dernière heure. Qui s'organisent de mieux en mieux grâce à l'arrivée de docteurs et de chirurgiens de Limoges. Des unités de soins sont créées avec des pharmaciens comme Louis Longequeu, futur maire socialiste de Limoges. Il a été maire socialiste de 1956 à 1990. Sacrée longévité. Un appel est lancé aux gendarmes pour qu'ils rejoignent la résistance. Plusieurs centaines d'entre eux changent de camp, parfois avec armes et matériel. Mais, on est au mois de juin 1944. C'est fini. Il y en a qui ont sûrement arrêté des résistants et qui, d'accord, viennent à la résistance. Plusieurs d'entre eux, chefs de camp, des officiers de réserve, dont de nombreux instituteurs, rejoignent les groupes de résistance FFI, un renfort précieux pour la stratégie face aux SS. Les actions se multiplient partout. La milice, plus active que jamais, mène des actions de repère et se distingue en fusillant immédiatement toutes les personnes qu'elle réussit à prendre. Le 21 juin, 10 jours après, la circulation est interdite. Le 22, les écoles sont fermées. Les plus grandes occupées par la milice et les Allemands. Début juin, tous les groupes FTP se déclarent sous les ordres de Guingouin. Parce que jusque-là, il est toujours sur la surveillance des dirigeants du PC. Il était temps, car l'affrontement a lieu au Mont-Gargan. Vous en avez parlé. Le 16 juillet, les Allemands sont à croisir sur Moudin, c'est juste au pied du mont. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'il y avait un grand parachutage le 14. Les Allemands attaquent le 16. On n'a eu que 48 heures pour évacuer 840 tonnes de matériel. Alors, je vais vous dire que. Mais là, on était complètement transformés en bêtes de somme pour y arriver à tout prix. Alors bon, le 17, c'est l'attaque. Parce que jusque-là, Guingouin n'avait jamais voulu attaquer le front. Mais là, il le fallait pour évacuer les munitions, sinon on n'y arrivait pas. Donc le 17, c'est l'attaque. En Villachou, celui qui nous a amené à libérer le corps était mon père, il est blessé. Il a été blessé, mais enfin, il a été soigné. Il doit être mort maintenant, parce qu'il devait avoir 2-3 ans plus que moi, il doit être mort. Après 5 jours de bagarre, les Allemands partent en Corée. Ils ont perdu 300 hommes, quand même. Il y a aussi des morts et des blessés côté de Maquisard en disant environ 50 morts. On a eu moins de morts parce qu'on connaissait le terrain. Attention, un détail. Moi, je n'ai pas l'habitude de me vanter de ce que je n'ai pas fait. J'ai sué sang et eau pour évacuer. Mais après, je suis resté en retrait, avec des camions où on avait des munitions et tout ça pour aider. Mais je n'ai pas, moi, personnellement, les gens qui sont trop jeunes, vas-y, tout un peu protégé par mon père quand même. J'aurais peut-être pu être parmi les 50 morts, mais je n'ai pas été. J'ai été là, mais je n'étais pas là à mon point en face d'eux. Moi, je parle de. Tu sais, j'ai tellement connu des types qui sont des héros avec un gros Z de longue, ça me laisse un peu. Alors, dans la région de Bellac et des Grandes, c'est-à-dire au nord du département, là-haut, au nord du département, des combats se déroulent en même temps que ceux du Mont d'Argonne, qui lui est au sud, là. Les SDP, armée secrète, ORA, réunis face aux Allemands. C'est l'ensemble des FFI limousins qui luttent pour chasser les Doriforts, comme on les appelait. On appelait les armées d'occupation les Doriforts. C'est les Doriforts, c'est un insecte qui bouffait, qui passait les pommes de terre. Enfin, pas les pommes de terre, mais les fleurs et les fans de pommes de terre, ça faisait crever. C'était une catastrophe pendant la guerre. Je ne sais pas qui c'est qui a amené ça. On passait notre journée à détruire les Doriforts. Alors, tous les brisés, là, on les appelait les Doriforts. Alors, pendant ces jours d'intenses combats, les Staliniens n'oublient pas leur objectif, une base Limousin-Saint-Plain entièrement sous leur contrôle. En conséquence, ils doublent le nombre des commissaires politiques, les polos. On en avait qu'un, on en a eu deux. Bravo. J'ai les photos, tout ça. Pour intensifier le prosélytisme en faveur des milices patriotiques, surtout parmi les légaux, nouveaux venus, je vous l'ai dit, qui approuvent l'action de Guénouin, mais n'adhèrent pas au léninisme stalinien du PC. Ça n'a rien à voir. Début août, Jean Chintron, du comité central, est affecté au FTP de Guénouin, pour le surveiller. Il sera nommé préfet de l'Angevine à la Libération. Il n'y a eu que deux préfets communistes acceptés par De Gaulle après la guerre, dont celui-là. Son heure viendra. Après, il devient chef de cabinet de Maurice Thorez. Celui-ci revient de son petit villégiature en Russie, mais il sera exclu plus tard. Chintron, il sera vidé du parti. C'est un parti qui a toujours vidé tout le monde, alors c'est facile. La liste, mon cahier ne suffit pas pour mettre la liste de tous ceux que le parti a éjecté, y compris les plus hauts placés. Pour ne citer qu'un, Châtillon, fondateur des FTP, membre du comité central, ministre de De Gaulle, il a été éjecté du parti comme un dégueulasse. Fermons la parenthèse. Alors, on arrive à la libération de Limoges. C'est un peu le sujet de la causerie. Alors, au début du mois d'août 44, les Allemands sont toujours 1200 à Limoges. Ils occupent Limoges. Dont un tiers de SS. Ça fait donc 4500 SS. Commandés par un général qui s'appelait Gleiniger. Les miliciens sont 4 à 500. Ça paraît bien, mais ça commence à faire du monde. Et en plus, il y a ce qu'on appelait les GMR, les groupes mobiles, je ne sais pas, groupe mobile de Agelon, je crois. Peut-être, je ne me rappelle pas. Tout ce beau monde s'organise pour empêcher les FFI d'entrer dans la capitale du Mouzine. Mais il en change. Ceux qui massacraient sur leur passage sont à leur tour menacés. Le rapport de force s'est inversé. Les FFI de Guénouin sont près de 7000, dont 5000 FTP, 2000 AS, ORA, plus francs-tireurs, etc. Donc, je ne pas les chiffres, mais tout ça, ça faisait du monde. Certains annoncent 20 000, je pense que c'est un peu exagéré, mais en tout 15 000, c'est pas ça. Plutôt que l'attaque frontale voulue par Vatican Bis, parce que le parti communiste voulait absolument avoir des victimes, avoir l'idée qu'on peut servir d'icône, voilà, il s'est fait tuer. Non, Guénouin, il voulait économiser la vie de la population, il ne voulait pas de mort. Alors plutôt que l'attaque frontale voulue par le PC, l'encerclement total de la ville est décidé. Toutes les routes conduisant à Limoges sont progressivement contrôlées à partir du 15 août. Le 16 août, les miliciens et leurs familles, soit 700 personnes environ, quittent Limoges par la Nationale 20, dans un convoi de 100 camions par la Nationale 20. Ils sont bloqués par les FFI à la Jonchère. C'est dans le nord, là où Limoges est au milieu, là, c'est là-haut. Ils sont bloqués là par les FFI de Guénouin, toujours, où ils se barricadent. Le 10, mais ils sont complètement encerclés. Ils sont 700. Enfin, la famille, leur famille, on gosse tout. Ils sont environ 500, plus les gosses et les femmes. Quoi. Le 19 août, deux compagnies allemandes viennent de Limoges. On les laisse passer. Vraiment, deux mois, les laissent passer pour aller libérer ces combats. Ils y vont. Donc, ils les dégagent. Les événements se précipitent. La grève générale est déclenchée à Limoges le 19 août. Le ralliement des GMR, groupe mobile de réserve, tiens, troisième main, groupe mobile de réserve, le 20 août, ils rejoignent. Le 21 août, la reddition des Allemands est signée par le général Gönninger. 400 soldats et 12 officiers sont faits prisonniers et internés au camp de Saint-Paul-des-Jeaux, là où était mon père, comme nous avons libéré deux mois plus tôt. Donc c'est à leur tour d'être encristés dans le truc. Ça, c'est marrant. Alors l'ISS, je vous le dis, 400 ou 500, ils refusent de s'incliner. Ils quittent Limoges avec le général Gönninger qui sera tué, pareil. Et il est tué aussi, c'est le hasard, mais il est tué aussi à Saint-Léonard de Noblat, toujours dans le bouquin. Il est tué là. Alors, on ne sait pas, tous les bouquins que j'ai pu lire, on ne sait pas si c'est les SS qui l'ont tué parce qu'il lui reproche d'avoir signé sa reddition ou si c'est lui qui s'est sauté là. On ne sait pas. En fait, il est mort. Le 21 août 1944, vers 21h, le soir, le 21 août, le soir, qui est à peu près un peu plus tard que ça, vers 9h du soir, 21h, par là, les FFI entrent dans Limoges, par toutes les routes convergentes vers la ville, et ne rencontrent aucune résistance. Notre groupe est entré par l'actuelle nationale, l'actuelle D-941, qui était à l'époque la nationale 141, par le petit plaid à côté qui s'appelle Panazol, qui est là où je vous ai dit qu'on avait coupé les arbres, les gros arbres pour les retenir. On est rentré par là. Nous étions arrivés en camion. Nous sommes descendus en file indienne de chaque côté de la route jusqu'à la Vienne, la rivière qui traverse Limoges. Après le pont, une colonne est montée vers la mairie, l'autre vers la gare. Mon père et moi faisions partie de celle-là. Nous avons été rejoints par d'autres groupes arrivant par les autres rues. Une partie a occupé la gare, les autres furent dirigés vers les locaux de la milice pour récupérer d'éventuelles archives abandonnées. Ça, c'était important. Ça, c'était mon père qui voulait absolument les archives. C'était un archiviste. Et la colonne mairie investira la commandanture à l'hôtel de la paix. La Jourdan, c'est une des plus grandes places de Limoges. Tous les groupes se dirigèrent chacun vers des objectifs précis fixés à l'avance. La Banque de France, les casernes et bien sûr la prison du Champ de Foire qui était la priorité. Tous les prisonniers sont libérés, y compris les droits communs, tout. On a tout ouvert, tout le monde dehors. C'est pas bon. Le lendemain 22 août, la population de Limoges explose de joie. Elle ne verra plus les doryphores, les miliciens se pavaner dans les rues. Nous étions acclamés, embrassés, invités. Inoubliable moment pour un bon de 18 ans, je vous dis. Ça, c'est dingue. J'aurais voulu avoir trois bouches pour embrasser, moi. Pendant les deux ou trois jours suivants, le 21 août, Guingouin séjournera à l'hôtel à Villande. J'ai été planton de service pendant quelques jours avec trois autres maquisards. Après, j'ai rejoint la caserne Marceau. C'est une caserne qui vient d'être rasée. D'ailleurs, les copains de Limoges bagarrent pour qu'on fasse quelque chose d'intelligent sur la surface libérale. Je ne sais pas ce que ça demande. C'était la caserne Marceau. Alors, mêlé à la joie ressentie par tous, il y avait aussi de la colère contre les collaborateurs et les dénonciateurs. Les exécutions sommaires eurent lieu, surtout dans les campagnes. Pas à Limoges, mais dans les campagnes, les petites villes et les villages. Là. C'était le retour du truc parfait. Pour arrêter cela, une commission de trois représentants, FTP, ASO, ERA, fut mise en place pour rendre justice après examen de chaque cas. Et il y avait des avocats choisis dans la population civile. Et ça, c'est vraiment qui voulait absolument ce truc-là. À la mi-septembre, ça n'a pas duré longtemps, 15 jours, à la mi-septembre, ce système fut dissous. D'après les chiffres publiés après la guerre, il y a eu en France 29 660 personnes fusillés pendant la guerre par les Allemands ou la milice. J'ai bien dit 29 660. dont environ 11 000 dans la région parisienne, 3 700 en région lyonnaise et 2 863 exactement en Limousin, soit le plus fort pourcentage par rapport à la population. 11 000 pour la région parisienne et 2 800 en Limousin, et aucune comparaison, mais Paris, c'est énorme. La répression exercée par les maquisards fut somme toute assez clémente. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques exécutions sommaires, ça c'est vrai, mais quand même, la justice, ça c'est officiel, c'est, on peut le trouver partout. Alors là, j'ouvre encore une parenthèse. Il est opportun de rappeler la propagande forcenée du Parti communiste après la guerre, qui se baptisa le Parti des 75 000 fusillés. Il y avait des affiches partout. Le Parti des 75 000 fusillés. La France entière fut couverte d'affiches portant ce slogan mensonger. Sur les 29 600... Pardon ? Oui, 75 000 sur 29 000, c'est pas... Sur les 29 660 fusillés, tous n'étaient pas communistes, et de loin, je vais vous signaler des gens qui n'étaient pas communistes. Le PC voulait faire oublier le pacte stalinitaire et faire croire aux Français qu'ils avaient été les seuls résistants. Alors il fallait frapper l'opinion. Les opinions ne sont pas si comme ça. Alors après, il y a un petit épisode à Saint-Étienne. Pourquoi Saint-Étienne ? Ah, ah. Le 25 ou le 26 août, le 4e bataillon du maquis de Chessoux, Chessoux, c'est tout petit bled qui se trouve là, c'est là où était née ma grand-mère, qui est entre parenthèses, sous le commandement du lieutenant Toddy et sous celui de Robert Frollo, mon copain d'enfance. Il est envoyé à Saint-Étienne en renfort des groupes de la région. C'est Tony qui commande, se rêve. Des membres du maquis de Douleuf, là où j'étais, se joignent à l'expédition, dont je fais partie, deux quarts moi, bleu foncé, autant que je me rappelle, il me semble, sont stationnés sur le champ de foire de Saint-Léonard. Et alors je fais partie du voyage avec un autre maquisard, un copain d'enfance, Roger Coulombeau, que j'ai là sur une photo. Nous devons être à peu près 80. Quatre escadrons de GMR récemment venus au FFI, je vous l'ai dit, sont mobilisés avec nous. Joint aux maquisards de chez Sous et des Bouleuf, nous formons un petit commando bien armé. Nous voilà partis à Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que le 15 août 44 a lieu le débarquement des Alliés à Fréjus. Pour éviter qu'une troupe allemande occupant la zone sud, et en particulier la côte méditerranéenne, ne remonte vers le nord et ne coupe l'avancée des troupes américaines et anglaises, qui depuis le débarquement de Normandie du sud-ouest, bataillent en direction de l'Allemagne. Parce que, faut bien comprendre, le débarquement a lieu le 6 juin 44. La capitulation des armées allemandes a lieu le 8 mai 1945. C'est-à-dire qu'on a mis 11 mois avec la puissance américaine, les Anglais et quelques Français pour aller de Normandie jusqu'à Berlin. Parce que ce qu'on appelait la libération, pour beaucoup de gens, c'est la fin de la guerre, mais pas du tout. La guerre continue. Et puis, comme il faut, elle continue. Bon. Donc voilà. Alors il était vital que des renforts soient apportés au FFI de la région de Saint-Étienne, Lyon, afin d'épauler les troupes débarquées et de désorganiser la riposte éventuelle des Allemands. Alors la situation est extrêmement confuse en fin août 1944. Des villes et des régions se libèrent chaque jour, on parlait tout à l'heure. Saint-Étienne a été libéré le 22 août, Lyon le 3 septembre seulement. Il faut le dire, c'était la pagaille dans tout le pays. Une pagaille incroyable. Tout le monde commandait, enfin, surtout ceux qui n'avaient rien fait, bien sûr. Nous avons eu une illustration quand nous arrivons à Saint-Étienne, car si nous étions bien armés, nous avions très peu de ravitaillement. À Saint-Étienne, c'est une ville industrielle. Ça n'a rien à voir avec nos camps de maquis limousins disséminés dans la campagne de polyculture et de paysans complices. Encore une fois, les carottes, ça ne pousse pas dans les rues de Saint-Étienne. Rapidement, la nourriture se fait attendre. Et certains d'entre nous envisageaient de prendre des vélos à la manufacture, la fameuse Manu de Saint-Étienne, pour revenir à Limoges à vélo. Alors je vous laisse imaginer, l'état des routes à l'époque, c'était pas le bitume d'aujourd'hui. C'était de la pierraille, les vélos pesaient 20 kg, enfin, c'était des vélos à pignon fixe, il n'y avait pas des rayons, il n'y avait rien du tout. Alors, vous nous voyez traverser le massif central, zéro. Oh, les gens ont dit, zéro. Enfin, Je dis, les vélos n'étaient pas ce que vous connaissez aujourd'hui. Le débarquement a commencé le 15 août, aussitôt la remontée de la vallée du Rhône s'élance pendant que les troupes matérielles continuent d'arriver jusqu'au 10 ou 11 septembre pour l'essentiel. Parce que c'est une armée qui est arrivée avec deux lattes de Tassili, c'était le général. Il y avait beaucoup d'armement, ça arrivait à fond. C'est toujours armement américain, parce que les Américains fournissaient beaucoup d'armes. Ils avaient raison. Ils essayaient de sauver des vies soldats américains, mais ils donnaient des armes. Finalement, la résistance allemande n'est pas aussi vive que lors du débarquement de Normandie. Et le 12 septembre, la jonction se fait avec les troupes venant de l'ouest en Bourgogne. Se sont réunies. Entre-temps, notre ordinaire s'est amélioré grâce aux habitants de Saint-Étienne et à l'arrivée de l'armée. J'ai vu arriver le matin, du ravitaillement de l'armée, c'était quand même bon. Mais alors, on n'a pas eu à intervenir du coup. Alors, nous n'avons pas eu à intervenir et sommes repartis vers le 7-8 septembre, je ne me souviens pas exactement de la date. Gangouin ne mentionne pas cet épisode dans son livre, sans doute parce qu'il n'y a pas un engagement. Le témoignage de Tony Texier dans le livre de Lucien Soumy, c'est aussi un écrivain qui a écrit là-dessus, page 54, il fait allusion. Moi, j'en ai ramené une photo prise par mon copain Pouledou dans la rue principale de Saint-Étienne. Cette photo montre bien dans quel état nous étions. Vraiment des sans-culottes. Il fallait voir comment on était habillé. Alors, d'abord, je l'ai. Quand même, leur agrandi, vous l'avez jamais cuit, mais vous allez l'avoir. On est juste, c'est pas pour moi, je l'ai fait, mais juste pour montrer que vraiment, on n'avait rien, quoi. On était habillés comme les sans-culottes, je suppose, de 89. Limoges libérée, la guerre continue, et De Gaulle veut constituer une armée avec les FFI, souscrivant un engagement jusqu'à la fin des hostilités. Donc, le 1er octobre 1944, les formalités d'engagement volontaire ont lieu. Il fallait avoir entre 18 ans et 35 ans maximum, sauf pour les officiers et les sous-officiers. Pas de prime d'engagement et les FFI disparaissent. Parenthèse, parce qu'il faut expliquer un peu pourquoi quand même. Parenthèse, le 18 octobre 1944, le Front National dissout les milices patriotiques qu'il avait mis tant d'acharnement à créer, à armer, il est dissous. Vous allez me dire, tiens, ben je vous fais oublier. Trois semaines plus tard, le 6 novembre 1944, Maurice Thorez est amnistié par De Gaulle, parce qu'il avait été condamné à mort par contumace, pour être le premier déserteur français. Il a passé les 5 ans assis à côté de Saint-Joseph, à Moscou, avec sa jalette sous le bras. Il a fait même un gosse là-bas pour le récompenser, il était là. Et puis voilà. Donc, il est blanchi juste avant la rencontre de Gaulle-Staline à Moscou. De Gaulle, il est quand même pas trop bête. Il blanchit pour Hippolyte Thorez et il va voir Staline. Parce qu'il s'est dit, le Parti communiste ne représente rien, je vais voir le patron. Pourquoi je m'adresserai à dessous le patron, Staline. C'est le premier dirigeant de l'Occident qui a été embrassé, notre ami Joseph, sur la bouche, à la russe. C'est moi qui le dis. Je crois pas. Mais enfin, bref, il a quand même eu là-bas. Alors donc, ceci étant, le 27 novembre 1944, Thorez rentre à Paris, après 5 ans passés à Moscou, pendant que les bons membres du parti de base se faisaient casser la gueule dans les maquis et partout. Il faut quand même le faire. Bref. Les Staliniens feront allégeance à De Gaulle et auront 5 ministres au gouvernement, dont M. Maurice Thorez. Tout ce poker menteur a été orchestré par Staline et De Gaulle. Ce sera une très longue partie de poker. Ça serait trop long. On serait là demain matin. Quant à moi et les autres, à la caserne Marceau, nous recevons des uniformes français. Nous sommes transférés à Saint-Thierry. Saint-Thierry, c'est une ville tout à fait au sud. Et changeons deux fois de régiment, 138e RI, puis 63e RI. RI, c'est le régiment d'infanterie. En décembre 1944, transféré à Nantes, front de l'Atlantique, Saint-Nazaire. Plusieurs régiments sont encore regroupés et forment le 126e RI en janvier 1945, en charge en vrai. En même temps, nous recevons des tenues anglaises, khaki, avec le casque plein des Tommy britanniques. J'ai même des photos déguisées en anglais. C'est un vrai roman, quoi. Un mois plus tard, je suis affecté au 21e régiment d'infanterie aéroportée. Section canon d'infanterie. Alors vous allez me dire, mais dans le régiment aéroporté, un canon, ben oui, mais un canon, c'est pas des canons en réalité, c'est des mortiers. Alors les mortiers, c'est un canon, c'est un tube. C'est tout simplement un tube qui est avec une rotule qu'on peut diriger dans tous les sens. Il est sur un bloc, tout ça en acier, lourd. Hein. On remue à 4, ça doit faire même 200 kg, on fait à 4 jeunes, ça va. Et alors, donc c'était parachuté, ce machin-là, et puis on faisait péter la gueule de ceux qui nous embêtaient un peu. Hop. C'est d'ailleurs une arme assez déprimante, parce que quand on a l'habitude, on entend le percuteur. Un canon, ça se charge par l'arrière. Et on ouvre la culasse, on met le fond, hop, et on tire. Le mortier, c'est pas pareil, ça se charge par la gueule. On enfile l'obus dans la gueule, ça glisse et ça vient sur un percuteur qui est dans le fond, bah, hop, et ça repart. Quand on a la vie, on entend le percuteur. À partir de là, on est à zéro parce qu'on ne sait pas où il va tomber. Alors s'il tombe là, tout de suite, il faut aller dans le trou. C'est très rare que le deuxième va dans le même trou. Enfin, tout le monde, c'est ce qu'on disait. Enfin, voilà. Voilà, alors, donc c'était ça. Le 21e régiment d'infanterie aéroportée. En début octobre, je suis sollicité pour réengagement de 5 ans. C'est pas la durée de la guerre, là. C'est au mois d'octobre. La guerre, elle est finie. Elle a fini le 8 mai 45. Mais on n'est toujours pas démobilisé. Moi, j'ai fait de la résistance, mais moi, je suis antimilitariste, et je ne voulais pas. Alors donc, on nous demande, voilà, alors moi, on me dit, on me propose un réengagement de 5 ans en qualité de sous-officier. Oh, alors là, bien sûr, je refuse. D'autres se sont engagés, d'anciens maquisards FTP, ils deviendront militaristes et iront défendre l'empire colonial français en Indochine, et peut-être pour certains après en Algérie, avec une baleine supplémentaire. Bravo pour eux. Moi, j'ai fini. La lutte contre le nazisme est une chose, l'armée conventionnelle en est une autre. Je suis rentré chez moi à Saint-Maurice-de-Mont-là, soldat de deuxième classe et antimilitariste. J'ai fini. Merci pour ton témoignage, que tu dois être un des derniers survivants de cette histoire. Et puis bah, là, il peut y avoir des questions. Ça n'a pas tellement parlé du personnage de Guingouin, qui est quand même. Non. Mais c'était pas le but. C'était pas le but, c'était l'idéal, mais c'est quand même un personnage important parce que c'était lui qui a dirigé ce magazine. On peut en parler 2 minutes. Ouais, ouais. Et donc, juste pour vous dire, si. Bon, il y a plusieurs bouquins, il y a les mémoires de Guingouin, il y a des bouquins d'histoire sur l'histoire du. Les maquis du Limousin, bon, on a choisi celui-là, c'est un bouquin plutôt pour les jeunes, mais qui est assez bien fait, c'est des belles illustrations, et ça résume un peu toute l'histoire là, avec la prise de Limoges, la situation dans le Limousin. Alors c'est aussi bien lisible par des ados, grands ados, que par des adultes, jeunes adultes et vieux adultes. Donc ça, vous pourrez, il y en a quelques exemplaires. La parole est à vous si vous avez des questions à poser. Oui, dis quelques mots sur Guingouin, parce que Guingouin, quand même, on sent que c'était un militant du PC, bon, si vous mais, voulez. Alors, 2 secondes, mais un peu en dissidence, mais finalement, il était quand même stalinien, mais après la guerre, ils ont tout fait pour l'éliminer, ils ont essayé même de l'éliminer physiquement. Mais si vous voulez, oui, là, il n'y en a pas long, je l'ai pour... Guingouin, bon, il est né en 1913, il a 13 ans plus que moi, forcément, c'est un homme, il a plein d'années. Il est né à Valois-Carval, c'est un bled au nord là, du département, au nord-ouest de la Haute-Vienne. Il a 18 mois seulement quand son père Charles Guingouin, sous-officier de carrière, son père était quand même sous-officier de carrière, il est tué dans les premiers combats de 1914. Donc à 18 mois, il devient l'orphelin, pupille de la nation. Sa mère était institutrice laïque Elle s'appelait Jeanne Anaïs Vigneron. Son grand-père maternel, Hippolyte David Vigneron, il est né à Saint-Léonard de Noblat comme moi. J'y peux rien, vous avez entendu. C'est presque toujours autour de l'endroit où je suis né. J'y peux rien. Ben, Jésus, il est né un jour. C'est pas ça. C'est pas la faute de son père, hein. tu le sais, ça. Il n'y a pas eu des maquis avec elle. Bon. Alors, donc, son grand-père, Hippolyte, il est né donc dans Montblanc, ainsi que son grand-oncle, c'est-à-dire le frère d'Hippolyte, qui furent volontaires dans les milices mobiles de la guerre de 1870. Ben, mon grand-père à moi était né en 1871. Vous voyez, dans deux ans, en 21, on aura fait 150 ans, à nous trois, c'est quand même. Alors, en 1935, Denouet est instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts, tout petit bled au sud du département, à la limite de la Corrèze, juste à la limite. En même temps, en 1935, il adhère à la SFIC. Question à 10 balles, qu'est-ce que c'est que la SFIC ? Section française internationale communiste. Oui. Si tu leur dis tout, ils ne savent pas. Mais si, ils le savent. Ah, c'est pas sûr. Alors, question idiote, il a répondu, donc, ça s'est créé quand la SFIC ? Allez, ne cherchez pas. Décembre 21. Tu te trompes d'une année. Le congrès de la SFIO. La SFIO, c'était la section française de l'Internationale ouvrière. Voilà. Membre de la deuxième internationale. Bon, là, il y a eu une scission à la suite du diktat qui venait des bolcheviques russes. Donc, il y a eu un éclatement. Et ils sont formés, donc, ils sont appelés la SFIO. SFIC, section française de l'international communiste. Ils ont gardé ce nom jusqu'à Pétain. Ça n'a jamais changé. Pendant la guerre, ils se sont appelés Front National. Et après la guerre, ils se sont appelés Parti communiste. Français. On rajoute français. Ça fait très 16e. Il y avait l'Union des femmes de France, c'est comme les mots. L'UJRF, l'Union des jeunesses républicaines de France. Comment imaginer que c'est des bolcheviques ? On peut pas. Pourtant, c'est comme ça. L'Union des femmes françaises, avec une présidente, madame la maréchale de je ne sais pas quoi. C'est merveilleux. Arrêtons là-dessus. En 35, il adhère à la SFIC et devient rapidement secrétaire de rayon. Parce que le Parti communiste a été organisé, c'est comme le terme, la troisième internationale s'est organisée exactement comme le Vatican. Oui, absolument. Le Vatican, il y a le pape. Bon, le pape, il a des cardinaux ou l'empereur dans tous les autres pays. Il a des évêques et des cardinaux. De temps en temps, il fait des conciles, il fait des machins comme ça, des scotchés, il les reçoit. Et il leur raconte ce qu'il faut les slogans qu'il faut qu'ils diffusent un peu partout. Quand ils décident, par exemple, de faire la messe en français, pas en latin, mais c'est décidé comme ça. Alors le Parti communiste, ayant à sa tête un pape qui s'appelle Joseph Staline, qui a derrière lui 8 ans de séminaire, il a été élevé entièrement par les popes, et il a organisé ça comme ça. Et alors il y a donc les évêques rouges, alors en France c'est Thorez, en Italie c'est Togliatti, en Allemagne c'est Thalmann, en Espagne ça doit être Carrillo déjà probablement, etc. Quoi. Il y en a un dans chaque pays. Alors on les réunit, réunion de la troisième nationale, et on décide comment ça va. Donc après, en petit, c'est organisé pareil. Alors il a fait ça des rayons. Alors lui, il était chef de rayon, qui comprenait les quatre. Vous avez tous les nombres, les cantons. C'est ce triangle-là, le petit triangle. Les cantons des Moutiers, c'est des pays là-bas, Châteauneuf-la-Forêt, Saint-Léonard-de-Noblat, bien sûr, Saint-Germain-les-Bêtes. Comme on peut le voir sur la carte, c'est dans ce triangle que Guelouin concentra la plupart de ses camps. Vous voyez, il a, comme il avait beaucoup de connaissances par le fait qu'il était chef de rayon, il a essayé de réorganiser son maquis sous cette forme. Seulement dans ce maquis-là, il n'y avait pas des communistes. Ça posait un problème. Alors, au départ, notre ami vient de le dire, Il était très très stalinien et il adorait, il approuvait absolument tout le catéchisme venant du pape rouge. Donc, bravo pour le pacte germano-russe. Bravo pour tout ce qui venait de Russie. Enfin, c'était comme ça. Mais, après, où il a divergé, c'est que lui, il était quand même un instituteur rural et un chef de rayon rural. Il était habitué dans un milieu paysan, dans un milieu limousin qui a toujours été contestataire depuis très loin, depuis sa longue très loin. Limousin s'est toujours méfié, même encore, du château de Paris. La direction de Paris, on n'en a rien à foutre. Les porteurs de serviettes de Paris, on en a juste là. Alors donc, il s'est opposé à la direction du PC qui voulait que la résistance, je vous l'ai dit, ait lieu que dans les villes. Et ça consistait en quoi, la résistance à Paris ? Ça consistait à assassiner, j'appelle ça assassiner, un Allemand, peut-être un petit officier avec deux bananes, mais jamais un général. Alors, dans les villes, dans les rues de Paris ou ailleurs, et il y avait des représailles extraordinaires. Quand il y a eu les fusillés de Châteaubriand, c'est à la suite de trucs comme ça. Alors on assassine un Allemand, les Allemands bousillent 100 Français. Et souvent, sur les 100 Français, il y a au moins 50 communistes. Hein. C'est là où c'est beau. Ah ben oui. Enfin, Staline était le plus grand tueur de communistes au monde, alors il y a une espèce de continuité. Quoi. Ben oui, parce que à lui tout seul, il a tué beaucoup plus que tous les autres dictateurs. Hitler, Mussolini, Franco, Salazar et autres bambins joyeux, ils en ont tué moins que lui. Y compris sa propre famille, y compris tous les bolcheviques, sauf un. À deux, lui et Molotov, tous les autres. Alors, voilà, si vous voulez. Alors, Guingouin, il s'est opposé comme ça. Et de proche en proche, il s'est opposé. Je vous l'ai dit, quand il y a eu. Quand c'est les trois, là, Léon Mauvais, Enaf et Guillot qui ont pris la tête de la zone sud, au sud de la Loire, alors là, Saint-Émanière, il a désobéi, il a refusé d'attaquer Limoges. Et ça, ils ne l'ont jamais pardonné. Alors après, ils lui ont donné une vie de chien, ils l'ont poursuivi partout, ils l'ont fait passer pour fou, ils ont essayé de le tuer deux fois. Mm-hmm. Tu sais, la conférence que je viens de faire là, je l'ai faite d'abord à Limoges, un pays miné, hein, parce que les mecs qui étaient là, il y avait 150 personnes, qui connaissaient tous les bleds, hein, ils connaissaient tout, mais pas eux, ils n'y étaient pas, c'était leur père ou leur grand-père, avec tout ce que le vieux avait dû raconter, donc c'était formidable. Et après, je l'ai refaite à Paris, et bien quelques jours après, je l'ai même noté là, j'ai reçu un coup de téléphone un jour, allô, une voix de femme, un peu sévère, alors c'est monsieur Lévy, c'est moi, oui. Elle me dit, vous avez fait une conférence à Limoges sur Georges Guingouin, je dis oui. Puis vous l'avez refaite à Paris, je dis oui. Je dis, madame, ça vous dérange? Elle me dit, non, mais je suis la fille de Georges Guingouin. On a parlé pendant une heure. J'ai son numéro de téléphone, j'ai son adresse, tout. Elle m'a invité chez elle, je ne suis pas allé, mais je... Donc, elle m'a dit, ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui a connu mon père. Ben, je lui ai dit, attention. Moi, j'avais 17 ans. Lui, il avait 13 ans de plus. C'était le chef. Je l'ai vu, je lui ai même serré la main comme j'étais un lambda, j'étais rien du tout. Ah, mais il dit oui, mais enfin quand même, il dit, vous savez, il y a tellement de gens qui racontent des histoires. Alors, on a eu une longue discussion parce qu'il y a un cinéaste qui a fait un film qui s'appelle Le Grand Georges. Le Grand Georges, c'est François Martouret qui a fait ça. Il a fait des séries à la télévision sur je ne me rappelle plus quoi. Mais, alors lui, il est venu présenter son film à la bibliothèque là. Alors on m'a dit, tu fais ton. Alors, j'ai dit non, j'ai dit attention, je veux bien faire un truc, mais je le fais avant, il passe sur son film après. Parce que son film, ça n'a pas raté. Zéro. Alors après, Martourette, très plotteur comme beaucoup d'artistes, tu sais, je. C'est des artistes, quoi, ils savent jouer la comédie. Oh là, il m'a embrassé, machin, tout. Bon, alors, il m'a dit, oh, si je t'avais connu plus tôt, ben oui. Alors, parce que j'ai dit, écoute, ton truc, tu expliques à peu près la bagarre du parti contre lui, en disant, essayer de le disqualifier, quoi, de le mettre à plat. Mais enfin, pas comme dans le maquis. on voit que tu es jamais, tu sais pas ce que c'est, tu n'y as jamais vécu. Alors, c'est rigolo, mais si tu ne parles jamais. Excusez-moi, je suis pas mal. Ah bon? Ça vaut le coup, hein, t'es le dernier à connaître ces trucs, il faut bien t'écouter. Oui? Où est-ce que tu as arrêté ta lutte militaire? Parce que tu nous as dit que tu étais engagé, quand est-ce que. À quel endroit? Ah ben à ce moment-là, on était dans les Ardennes. Dans les Ardennes? Ah oui, la côte offensive des Ardennes? Mais oui, mais. Je ne sais pas comment te dire, moi. On était. Si tu te rappelles ce que j'ai dit, on s'est engagé vers le mois d'octobre. Ah oui, tu vois? Donc l'armée, la véritable armée qui venait ou du débarquement de Normandie ou du débarquement du Sud, c'était des gens qui étaient déjà soldats depuis longtemps. Enfin, en Afrique, tout, bref. Tandis que nous, on était des, je ne sais pas comment dire, un rajout d'anciens maquisards qui savaient à peine faire avec. Alors, je vais te donner un petit exemple qui va vous faire rigoler. Le 18 juin 45, c'était l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 40. Bon, alors le 18 juin 45, de Gaulle a voulu faire un défilé dans Paris, sous l'Arc de Triomphe et tous les Champs-Élysées, avec la nouvelle armée française. Alors, attends, il a donc ramassé tout ce qu'il pouvait y avoir. Ceux qui étaient déjà arrivés, on est, je vous dis, 18 juin 45. La guerre est finie depuis un mois. Donc, il y avait des troupes qui étaient déjà en occupation d'Allemagne, ceux-là, ils sont restés. Mais tous les autres, ils nous ont fait revenir à Paris, on était cantonnés au bois de Vincennes, tu vois, pendant 8 jours à l'avance pour apprendre à marcher au pas. Parce que nous, on n'avait jamais marché au pas. Alors, tu te vois? Alors, et attends, il fallait passer, on passait à 12, 6, 12, 12, comme ça, 6 de la première armée, avec Leclerc et tout ça, la deuxième armée, c'est la première armée. Et la deuxième armée, c'était Delattre de Tassigny. Alors moi, j'étais à la deuxième armée, là, on était là. Alors il fallait qu'on apprenne, alors, avec les fusils, quand tu prends un virage, tu fais pas attention, clac, les fusils se croisaient les bras. Hein. Heureusement, moi je portais un fusil mitrailleur, alors j'étais quand même, ça pèse 13 kilos, ça fait mal, mais ça allait, quoi, j'avais pas besoin de. Et c'est pour te dire au point où on en était. Alors, on était des soldats de pacotille, on était très bons pour faire de la résistance, faire sauter des ponts, faire. Mais de la guerre classique, obéir à un chef, aller les mettre à fond, c'est bon. Le défilé qui est une action essentielle de l'armée. Alors on a fait le défilé. Alors le défilé, attends, il nous a amené en camion du bois de Vincennes, ceux qui connaissent un peu Paris, du bois de Vincennes au pont de Lille. C'est-à-dire, c'est à l'opposé, au pont de Lille. Le pont de Lille, c'est l'avenue de la Grande Armée. Et on était là, 5 heures du matin pour défiler à 11 heures. Mais ça, c'est comme ça, l'armée, c'est comme ça. Alors bon. Alors après, on défile. Alors on remonte, on passe sous l'Arc de Triomphe, et on descend les Champs-Élysées. Et aux Champs-Élysées, on se divise en deux, la première et la deuxième. Mais attends, pour revenir, on s'est tapé à pied, de la Concorde au bois de Vincennes, avec les 13 kilos du FM, j'aurais bien foutu dans les goûts le premier jour. Mais simplement, si tu le sais, ça répond un peu à ta question, c'est que on y était. Mais moi, je n'ai pas la prétention de dire, oui, on a été parachuté, tout le bidule, on a pas rien fait. Voilà. Alors donc, je l'ai dit, j'ai refusé l'engagement de 5 ans, et je suis reparti tranquille. Et après la guerre, je suis monté à Paris, c'est là, je vous l'ai dit au début, j'ai eu la chance de rencontrer, tous les gars que j'ai connus, Rosmer. Et Monat, et Le Coin, et Lazarevitch, et bien d'autres, qui m'ont fait que ça c'était autre chose qu'aller faire le con dans la rue. J'ai des souvenirs de ces gars-là, tu ne peux pas savoir. Parce que, alors attends, Là, je ferme tout de suite. Mais comment tu les as rencontrés? Parce que tu cherchais des libertaires ou c'est un... Non, j'ai rencontré par un type, il s'appelait Ford, qui était anarchiste, qui avait 20 ans plus que moi, et qui a dû se dire, ce type-là, je dois pouvoir le saucissonner. C'est lui qui m'a amené tout doucement dans ce lieu-là. Et puis voilà. Alors lui, il était surtout avec le rôle. J'ai vendu dans les rues de Paris la défense de l'homme. La revue des coins, quand les coins fait sa grève de la faim, on a affiché des grandes affiches à double colombier qu'on appelait le coin va mourir. Ceux qui ne savent pas, le coin, c'est il a fait une grève de la faim pour obtenir le statut d'objecteur de conscience. D'objecteur de conscience. Et ça, c'est les années 60. Il a dû faire 23 jours. Et à la fin, De Gaulle a dit le coin ne doit pas mourir. Et... Ah oui, mais là, l'anecdote, c'est. Mais il a quand même donné un demi-statut. Oui, le statut n'était pas terminé. Il y a une loi qui était votée, mais il était interdit de la faire au coin. Voilà. Si tu veux, il y a l'anecdote que vous voyez ou pas, j'en sais rien. Paraît-il que De Gaulle et puis son ministre Pierre Fitte, le ministre de l'Intérieur, il se baladait le soir, à la nuit, mais ça je veux bien croire, le président voulait qu'il respire. De Gaulle, comment Mitterrand, il se baladait dans les rues de Paris, mais l'autre, alors il se baladait tous les deux, alors il voit un mur, il y avait un mur, il y a deux anecdotes, en fait, je ne sais pas si c'est vrai, un mur bien blanc, et il y avait marqué « Mort au con ». Alors De Gaulle se range de perfidie. Vaste programme. Il y a plusieurs versions. Et il y en a qui disent c'est au défilé sur les Champs-Élysées. Et c'était un soldat de la 2e DB qui avait écrit ça sur son tank ou je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs versions de la même histoire. Je crois bien que ça ne s'est pas envoyé sur le tank. Ça n'aurait jamais été à lui. Ouais. Bon, alors il y a la deuxième, c'est que la fameuse affiche Le coin va mourir. Alors il dit, attention, je ne veux pas que le coin meure. Parce que s'il meurt, ça va faire. Ça va devenir une icône, ça va être quelque chose. Alors le père fait du bruit, mais il dit, vous savez, il n'y a rien à faire. Alors l'autre avait démerdé vous, mais il dit, Pierre Fitte dit dans son livre, c'est la seule fois qu'il a résisté à De Gaulle. Il a dit, moi je ne peux pas, c'est vous qui avez raison. Le coin. C'est un petit bonhomme, il fait 1m52, mais. Il a une curiosité extraordinaire, il va celui-ci crever de faim, il va mourir. Il était âgé. Il était âgé. Et bien, en plus, il n'était pas jeune. Alors c'est comme ça que le statut est venu. Bon, c'était pas exactement ce qu'il voulait, mais en fait, c'était quand même un grand pas. C'était un début. C'était un grand pas. Comme quoi, un homme seul qui est suffisamment convaincu qu'il a raison, ça peut faire mal. C'est des Gandhi ou des trucs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Jésus sur sa croix. Lui, on doute qu'il existe. Est-ce que tu as connu des exilés espagnols dans le Mali? Oui. J'ai connu des exilés espagnols. Je dois même avoir des photos. Mais connu, attention, je répète encore une fois. J'avais 17 ans. Le mec qui venait d'Espagne, il en avait au moins 25 ou 26, tu vois. Et souvent, il était plus ou moins nommé... parce que dans le maquis, il y avait quand même des grades, mais c'était des grades à la main où elle doit. On décidait qu'on avait gardé les mêmes noms dans l'armée. Sergent, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Sergent responsable des armes, pardon, de la tenue. Parce qu'on était très... Gamois était très... exigeant sur que nos fusils tout soient toujours en bon état. Il fallait apprendre à les démonter, à les remonter, à les nettoyer. C'était la seule chose qu'on avait. On n'avait aucune corvée comme on a dans l'armée, pas du tout. Il n'y avait pas de discipline, hein, tout le monde. Mais donc souvent les combattants comme ça qui venaient d'Espagne, ils avaient l'auréole quand même du type qui avait fait partie des colonnes des armées américaines, soit des colonnes de la CNP. Il a été, tu vois. Alors donc, ils avaient déjà une espèce d'aura par rapport à nous, quoi, qui étaient des planteurs de betteraves. On a eu une demande un peu comme la tienne, d'une copine qui n'a pas pu venir, qui a envoyé un message, est-ce que Christian a rencontré des Allemands antifascistes qui étaient passés par l'Espagne? Et bon, après, Christian a répondu que les seuls Allemands qu'il a rencontrés, c'était des déserteurs. Oui. Voilà. Deux, on a eu une époque deux déserteurs, mais après je les ai perdus de vue, ils ont dû partir ailleurs. Ouais. Mais alors ces gars-là, ils nous avaient même appris à se servir de la baïonnette au bout d'un fusil. Alors que nous, on ne fait pas à moi, mais parce que mais moi j'étais, tu sais, j'étais un guerrier très pacifique. Mais après, bref, je comprends qu'on soit amené à tuer quelqu'un, mais tu sais, c'est pas facile. Ouais. J'ai connu le copain dont je vous ai parlé, un copain, Robert Fourneau. Le type était gentil, d'une gentillesse que doux comme un agneau. Il est devenu l'adjoint de Rimbaud, et lui, il a tué des gens sans froid. Comme ça, je viens, je te tue, hein. Les yeux dans les yeux, c'est faux faire. Surtout, il a été tué quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Il était baptisé comme collaborateur, mais il n'avait jamais envoyé personne à Buchenwald. Quand même. Et il en a tué un autre dans son lit. Eh bien, ça ne l'a pas réussi. Après la guerre, il n'a jamais pu se réadapter à la vie civile. Il s'est mis à picoler, il battait sa femme, tout, puis il est mort à 40 ans. Bouffé par l'alcool. Il n'a jamais pu. Parce qu'il avait. Peut-être parce qu'il était très doux et très gentil, et le fait qu'un jour il a tué, ça, il s'est dit, ça y est, j'ai une puissance formidable. Il est là, je vais te le montrer. Je vais vous montrer, c'est vrai. Il est vachement gentil pourtant. Tiens, regarde. C'est ça. Celui-là. Et celui-là, c'est René Fourneau. Regarde, attends, bouge pas. Alors, regarde. Moi, c'est trois gagnants là. Photo du. Là. En haut à gauche. Regarde, en haut à gauche, ouais. Il a une bonne tête, hein. Et il est devenu un tueur. Oui, mais c'est ça, les armes. Hein. Comme quoi, je prétends que beaucoup de gens peuvent devenir des assassins dans certaines circonstances. Parce que dans la guerre, un soldat, c'est un assassin. Mais tu as eu l'air de dire quand même que Guingouin faisait attention qu'il y ait de ne pas tuer inutilement. Et c'est ce que tu as senti, toi, ça. Oui, mais il y a des mecs qui passaient outre. Ouais. Lui, il a une question. Le type qui l'a tué à bout portant, il est descendu avec une moto. C'est la moto que j'ai parlé qu'on avait piquée aux Allemands. Il est descendu en ville, il a tué le type, il a mis son cadavre sur la place de la République avec un homme condamné à mort par le maquis. Ouais, par lui, quoi. Et il l'a fait par lui. Ouais. Et il ne le connaissait pas. À nous, quoi. J'approuve pas, mais imaginons que ce type-là lui a fait une crosse, c'est pas lui. Il ne connaissait pas. Oh, regarde. Tu as vu la date? C'est en 40. Le gars du milieu, c'est moi, j'avais 14 ans. Tu vois comment je suis là, 14 ans? Et lui, Fourneau, c'est lui là. Celui qui a vu sur la photo, c'est lui, c'est Robert. Mm-hmm. Lui, il a 2 heures. On va les poser là. Il a 17 ans. Vous viendrez les voir ici. Et l'autre, c'est Roger Coulondou qui était avec moi à Saint-Étienne. Mm-hmm. Alors tu parlais d'un qui a donné l'Espagnol, la deuxième avant là-dessus. Et tu sais les noms, je m'en rappelle plus bien. Qui regarde une photo. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a une faucille et un marteau, un très beau drapeau soviétique au milieu du bataillon. Il y a un mec là sur le côté, tout à fait sur le côté. Oui. Qui c'est? C'est ma pomme. Ah bah oui, sa pomme est là. Eh oui. Hop. Le drapeau soviétique. Tu vois le drapeau soviétique? Là, il y a un drapeau, il y a le bataillon, un drapeau soviétique. Je viens de te le dire, c'était les enfants de Staline. Regarde, les soldats de l'an 2, à Saint-Étienne. Ah, c'était quand même un lieu, ça ressemblait à un uniforme, c'était pas si déconnagé que ça. Quand même, t'as vu comment on était déguisé. Bah, les militaires, c'est toujours déguisé pour moi. C'est du carnaval en permanence. L'Espagnol, c'est lui, mais alors son nom, je sais pas si je le crois pas. Espagnol de la CNT Barcelone. Espagnol de la CNT, identifié. Celui-là, c'est le premier. Et c'est là que tu as mis c'est une légende de l'époque, tu savais qu'il était à la CNT? Hein? À l'époque, tu savais qu'il était à la CNT? Ah ben oui. Ah, ah ben c'est. Ça, on le disait sans arrêt, c'était. Pour eux, c'était. Il y a un mec très. Il y a la légende derrière, hein, si vous la regardez. Il y a un peu le type espagnol quand même. Il y a un type qui est très brun, ouais, effectivement, de fond. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, après je vous venez regarder les photos avec Christian avant de passer au pot. Puis, donc je vous engage quand même à acheter ce bouquin parce que le grand dans vos frères. Et Et vous avez les dépliants sur la vanne si vous passez par Malakor. Ah, mais c'est la grosse histoire. Non, mais t'as vu comment on était habillé? Pour moi, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est un uniforme militaire à la con, mais bon. C'est pas un uniforme militaire, c'était des civils. La BAM, ouais. Bibliothèque associative de Malakoff. Voilà, c'est toi. Mais c'est toi. C'est moi. Le bouquin retrace à peu près tout ce qu'a raconté Christian. Hein. De façon très simple, c'est sommaire, mais c'est efficace. Le bouquin que tu as fait passer, on peut le trouver encore? Le livre que tu as fait passer pour la photo? Ah, ça, il faut regarder. Oh, si tu veux savoir, tu retapes sur un site, genre Fnac ou deux sites. Tu prends plutôt celui-là. Parce que celui-là, il est écrit par Gainboil. Les mémoires de Gainboil sont disponibles. Ah, ouais. Peut-être une nouvelle version, mais j'ai vu que c'était disponible. Ah, ouais. Celui-là, il est écrit par Gainboil. Alors, celui-là, c'est le mien. J'ai fait l'annotation là où j'étais, tu vois. Ça, c'est pour les photos.